Kim. Bigou. Elle est monstrueuse, celle-là. Le but de cette finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se coupe magnifique. Premier mot, premier mot. Ils sont champions de France. Regarde. Où la bataille était le match. La bataille était le match, mon malin. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. C'est une émission spéciale aujourd'hui puisqu'on est mercredi, donc pas lundi. Et c'est la 37e émission de cette saison 3 et la dernière donc de cette saison. C'est la 91e émission de tout Sport & Chill, si, pour l'info. C'est et donc ça commence à faire pas mal. Hein. On va peut-être passer les 100 si on fait une saison 4, on l'espère. Ce soir, donc, on va avoir de nombreux chroniqueurs. Là, ce soir, on va parler tout de suite de cyclisme. Et donc on va commencer avec Guillaume qui est à notre gauche. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. On a Vincent qui revient pour l'une des meilleures émissions. Salut Vincent. Bah oui, toujours, hein, le meilleur pour la meilleure. On a... Oh le boulard. Il a le meilleur micro aussi. Ce soir, on a aussi Romain et Paul qui sont avec nous pour parler cyclisme. Et bonsoir. Juste sur le fil. Et bonsoir à tous, ravi d'être là et puis de partager le micro avec Paul qui t'avait suppléé à mes côtés la dernière fois. Tout à fait. Et dernièrement, la première et pour la dernière émission, un autre Alexandre qui est fan de cyclisme également. Salut Alex. Bonsoir à tous. Et donc ce soir, on va accueillir d'autres chroniqueurs. Évidemment, on va parler Coupe du Monde, on va pas se priver, hein, c'est sûr. Et on va parler Wimbledon pour finir en deuxième partie d'émission, sans parler du quiz évidemment que tout le monde redoute et que tout le monde attend pour aujourd'hui. Chaud. Mais sans transition, on passe tout de suite au débat cyclisme. Sport & Chill, le débat de la semaine. Et on va commencer donc, évidemment le débat cyclisme c'est débat Tour de France 2018, et on va commencer avec une actu chaude, c'est l'actualité, donc la suspension. C'était une suspension au début de Christopher Froome par ASO, donc Amaury Sport Organization. Organisation. Donc l'organisation du Tour de France qui avait suspendu Chris Froome. Et le lendemain, étonnamment ou pas, on verra par rapport à vous, il y a un blanchiment qui est fait de la part de l'AMA, donc ce qu'on appelle l'agence mondiale antidopage, qui a blanchi tout de suite le lendemain Christopher Froome. Et donc j'ai une question très simple pour vous, si vous étiez les organisateurs évidemment. Est-ce que Froome devrait participer à cette édition du Tour de France? Je peux laisser la première parole à Romain. Ah bah. C'est un débat assez compliqué. Alors le fait que cette décision tombe juste après la décision d'ASO de ne pas lui octroyer la possibilité de participer au Tour de France nous a tous mis, je pense, sous le choc. Hein. On a eu l'occasion d'échanger entre nous et via le groupe aussi le Café du Commerce à ce sujet. Voilà, je pense qu'on a été tous très étonnés. Pour moi, il ne devrait pas participer au Tour de France parce qu'effectivement, et au vu du passif sur l'épreuve et de cette volonté dans le cyclisme d'avoir toujours plus de crédibilité, on est là face à un risque important, justement, que cette image du Tour de France soit à nouveau détériorée. Pour autant, ce qui est compliqué maintenant pour ASO, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'après que l'Agence mondiale antidopage ait annoncé cette décision, il est très difficile pour eux de dire légitimement, au vu de l'article qui est invoqué en plus dans le règlement de l'organisation du Tour de France, que celui-ci ne pouvait pas participer. Ouais, alors moi il y a deux choses. Effectivement, ce que tu viens de dire à la fin, c'est tout à fait juste. Alors bon, on pourra toujours se poser la question du timing, et on peut toujours se demander aussi si ASO n'avait pas pris cette décision, est-ce que l'AMA l'aurait prise aussi vite et surtout à aussi peu de temps du Tour de France. Mais moi, la question que j'aimerais poser, c'est plus pas tant sur sur l'aspect, mais il a pris ses produits, il a été blanchi, tout ça. Voilà, il a été blanchi, donc techniquement, il a le droit de participer, mais c'est surtout sur l'aspect sécurité. Moi, j'ai vraiment peur de ça, et j'ai vraiment peur qu'il arrive quelque chose par rapport à Froome. Bien sûr qu'on ne lui souhaite pas, mais on l'a vu, il y a déjà eu plusieurs histoires où il s'est fait siffler, où des gens courent à côté avec notamment sur le Giro avec une ventoline. Bon, ça, l'image pouvait faire sourire, mais on n'est pas... On a prévu de faire pareil. Hein. Voilà. On n'est pas à l'abri d'un dégénéré qui pourrait péter les plombs. Et le faire tomber ou pire. Et comme on ne peut pas mettre... une sécurité à chaque, derrière chaque coureur, et là même en l'occurrence derrière un seul. D'autant plus pour un sport comme le cyclisme, effectivement, là, la question de la sécurité est bien plus complexe. Voilà, donc tu te mets dans une descente, même sans lui, tu fais semblant de lui jeter un truc, à 80 km/h, il se retrouve dans le ravin, quoi. Donc c'est moi, c'est surtout ça dont j'ai peur là. Bon, il a été blanchi, alors on pourra débattre sur le timing, tout ça, qui, bon, voilà, moi j'ai mon avis là-dessus, mais on en parlera peut-être après, mais vu qu'il a été blanchi, on peut pas l'empêcher de courir. Ben non. Après, pour des questions de sécurité, C'est différent. Guillaume. Moi, je pense que le ASO, donc Christian Prudhomme et toute son équipe, ont été, pris de court par l'Agence mondiale antidopage. C'est-à-dire que, en fait, ils sont pris en sandwich. C'est-à-dire qu'ils envoient une interdiction de concourir à Christopher Froome, qui fuite dans les médias. C'était samedi. Oui, c'était, en tout cas, c'était dimanche. Week-end. Voilà. Et le lendemain, l'Agence mondiale antidopage et l'UCI court-circuitent ASO. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent en position de faiblesse. Et là, ils ont perdu la bataille de l'image d'ASO. Mais penses-tu pas que c'était aussi... Bon, ils souhaitaient pas forcément que l'Agence mondiale antidopage leur annonce cette décision, en tout cas dans ce sens-là, mais que c'était pas aussi leur objectif de provoquer en tout cas une prise de décision. Parce que c'est ce qu'ils demandaient, ils souhaitaient qu'avant le Tour de France soit fait quelque chose. Voilà. Ça les a aussi peut-être mis face à la nécessité de donner leur décision. Oui, c'est vrai, mais j'ai une... Non. Il finit. Ouais. Toutes les personnes qui parlaient de ce cas disaient que ce ne serait pas réglé avant le Tour. Y compris le président de l'UCI, de l'ASO. Il voulait que ça se régle. Mais il a dit qu'il donnerait normalement ça... Effectivement, regarde l'exemple Contador, ça a pris des années. Rien an et demi. Voilà. Moi, je pense que c'est pas innocent que la décision soit tombée le lendemain de la... découverte ou de la sortie dans les médias de cette interdiction. Et je pense que là, voilà, Christian Prudhomme, qui a voulu protéger l'image du Tour de France, finalement, avec cette décision, comme il avait fait avec Ulrich, notamment, et Basso avec l'affaire Puerto en 2006, avec Vinokourov et Astana en 2007, ben, je pense que là, il a perdu la bataille de l'image et que Christopher Froome va faire du mal. On en a parlé avec la sécurité. S'il gagne le Tour de France, il va faire du mal niveau image. On peut pas dissocier Christopher Froome de cet épisode du dopage. Et je pense que voilà, ASO a perdu. Alex, peut-être aussi pour réagir. Moi, je pense que la Sky prend un risque énorme pour l'intégrité physique de Chris Froome. Parce que moi, je pense qu'il va y avoir un incident. Je suis peut-être un oiseau de mauvais augure, mais je pense vraiment... Est-ce que c'est toi qui va causer l'incident, c'est ça? Non, c'est pas moi. Je suis fair play, je ne ferai rien. Mais après, quand même, sur Froome, pour moi, il n'aurait pas dû prendre le départ du Tour de France. Parce que même si l'UCI a décidé de le blanchir, je rappelle quand même que bon, il est asthmatique depuis qu'il est tout petit, puisque le salbutamol, c'est donc un produit, la ventoline, qui lui permet de réduire son asthme. Sauf que la dose autorisée est de 1000 nanogrammes par millilitre d'urine, et lui, sur la Volta, il en avait quand même 2000. Oui, mais c'est quand même le double. Les experts ont prouvé qu'en cas de déshydratation, je voudrais peut-être réagir sur ça. Je suis désolé, à un moment donné, il y a aussi résultats qui ont été montrés et prouvés là-dessus. C'est pour ça que je vous trouve tous contre la participation de Froome au final. Il y a eu l'article du Monde, selon quoi, qui a fait un long article dessus sur le dossier, je crois que c'est à l'UCI, je ne sais plus exactement si c'est à l'UCI, qu'ils ont reçu le dossier de tous les avocats de la Sky et de Froome, soi-disant qu'ils n'ont jamais vu un dossier aussi énorme avec autant d'avocats pour prouver, avec de nombreux experts, pour prouver que Froome n'était pas dopé, malgré le fait qu'il y ait un dépassement de la limite, mais doublé, quoi. Et apparemment, ça arrive dans des cas très rares. Bon, alors là, très grosse coïncidence, c'est Christopher Froome. Il faut savoir que les cyclistes, juste dernièrement, avant que je vous laisse continuer, c'était dans une autre émission, j'avais vu qu'il y avait 70% des cyclistes qui se revendiquaient asthmatiques, 70%, alors que dans beaucoup la population sportifs, mondiale, c'est 4%. Ouais. Donc, les pauvres cyclistes. Après, pour en revenir à ce que t'as dit ou à ce que t'allais dire, par rapport au fait qu'on soit tous contre la participation de Froome, c'est pas forcément ça, mais ce qui s'est passé avec cette histoire quand même au salbutamol, c'est que c'est pas un produit interdit. Il faut quand même le préciser par rapport à. C'est ce qu'on l'a dit. C'est qu'il a dépassé la dose autorisée. Il a dépassé la dose. Voilà. Ouais. Mais donc, après, ça sera pas le débat, mais ça pose quand même la question des AUT dans le sport. Et. Des AUT. Autorisation. Oui, autorisation. Visage thérapeutique. Parce, voilà. que du coup, parce que du coup, c'est ça. Mais parce que. Enfin, pour moi, ça, c'est du dopage autorisé. Parce que Froome a prouvé par A plus B avec tous ses experts qu'effectivement, en cas de déshydratation, il pouvait avoir. Il pouvait dépasser cette limite. Mais voilà, ça pose cette question. Oui, mais c'est pas nouveau. Indurain a utilisé un coureur comme Tim Wellens qui commence à avoir des gros résultats, lui abandonne systématiquement quand il a la même tout à fait. Pathologie que Chris Froome. Lui abandonne systématiquement les courses quand il est victime de. Tout à fait. C'est à partir du moment où le produit qu'il utilise est autorisé. Pourquoi est-ce qu'il s'en prive? À ce moment-là, c'est son problème à lui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de. En fait, comme on vient de le voir là avec l'exemple Froome. Même au double de la dose autorisée, on le considère comme pas dopé. Alors qu'à 2000 mg, quand on accroît la possibilité de le respiratoire, parce que c'est pour ça, le salbutamol, c'est du dopage. C'est quand il a le double des autres derrière. On termine avec Romain juste pour après finir, effectivement pour autant de mon point de vue voilà, ça importe quelque part, ça importe peu que on considère que Chris Froome doive ou non participer. Ce que je veux dire, c'est que sur le moment, comme tout fan de cyclisme, fan du Tour de France et français, je pense que j'ai été objectivement assez choqué de la décision, du timing, mais après voilà, dont acte, c'est-à-dire que on sait que Chris Froome a le droit de participer au Tour de France. Il a été prouvé par des experts, voilà, après on peut penser ce qu'on veut de leur indépendance par rapport à l'affaire, etc., que celui-ci pouvait participer et qu'il était blanchi. Donc qu'on l'apprécie ou non, il a le droit de participer, il a le droit de réaliser le résultat qu'il souhaite et d'essayer de remplir ses objectifs. Seul point et dernière chose que je voulais préciser, c'est revenir sur, je vous encourage à aller voir ça, sur la déclaration de Tom Dumoulin concernant la décision. Qui explique tout simplement, je l'ai pas en face des yeux bien sûr, mais que le Froome n'est pas le problème dans cette histoire. C'est-à-dire que finalement, Froome, voilà, lui, il fait avec la gestion de l'affaire qui a été celle-ci, et c'est plus cette gestion d'affaire qui est gênante. Si Chris Froome, effectivement, et s'est avéré un jour use de dopage, c'est possible, je le souhaite pas parce que ça ferait vraiment du mal au cyclisme, là, bien sûr que ce sera lui le premier coupable et à mettre en face de ses responsabilités. Et son équipe. Mais là-dessus, effectivement, il y a un problème de gestion, en tout cas sur la prise de décision, entre AMA, ASO et l'UCI, parce que voilà, il n'y a que dans le cyclisme dernièrement qu'on peut arriver à ce type de situation où une décision, même fausse décision, j'ai envie de dire, est prise à quelques jours d'un événement qui est quand même annuellement, hein, parce qu'on parlera ensuite bien sûr de la Coupe du Monde, l'événement le plus suivi au monde et le plus médiatisé. Très bien, on va continuer parce que sinon on a parlé beaucoup trop, je trouve, alors que notre sujet c'est tout de même le Tour de France en lui-même. Et j'aimerais bien qu'il ne tourne pas qu'autour de lui. Oui, en effet. Donc justement, il gagnera pas de toute façon. Est-ce que oui, voilà, il ne gagnera pas. Bah parfait, j'en profite. Est-ce que qui gagnera selon vous, qui est le favori s'il n'est pas sur le Tour? A priori, il devrait l'être, mais s'il n'est pas sur le Tour, qui pourrait être le favori? Mais même s'il est sur le Tour, pour moi, je le mets pas favori. Mais bon, je laisse Paul commencer parce qu'il a pas beaucoup parlé. Il reste quand même l'un des favoris malgré tout. On l'a vu sur le Giro. Moi, je pense que ça va être comme beaucoup. Il va avoir du mal au début. Il va devoir se mettre en route. Et à un moment donné, il va. Surtout qu'il a placé l'équipe. Surtout qu'il y a une équipe. Il y a une équipe de fou avec lui. T'as Geraint Thomas qui sera avec lui comme fidèle lieutenant et le Colombien Bernal, qui est là aussi, qui est un coureur hyper intéressant. On en a déjà parlé plusieurs fois avec Romain. Moi, je disais que la seule équipe qui pouvait les concurrencer, c'était la Movistar avec Valverde, Quintana, Mikel Landa. Même si je pense que Mikel Landa, ça va être la première fois qu'il va être co-leader sur un grand tour. Moi, j'ai peur d'être un peu déçu par lui. On n'en sait pas, parce que pour l'instant, depuis le début de la saison, on l'a pas trop vu, Mikel Landa, il reste assez discret. Et après, légitimement, Romain Bardet, qui a fini quand même deux fois deuxième consécutivement sur le Tour de France. Il a eu des résultats depuis le début de l'année. Moi, je le vois bien, encore une fois, bien figuré. Et c'est, je pense, une année idéale pour lui, et qui profite justement que Froome ait fait participer au Giro, qu'il soit diminué, pour qu'il puisse gagner. Guillaume, et après Alex. Ouais, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur Romain Bardet. on est français, donc on a quand même envie qu'il gagne. Et moi, je suis un fervent supporter de Romain Bardet. Je pense que le duel qui s'annonce entre la Movistar et la Sky peut, en fait, lui être bénéfique. C'est-à-dire que la course va se centrer sur eux. Si la Sky prend la course à son compte, comme ils l'ont fait les dernières années, je pense que ça lui va. Si c'est la Movistar, ça va lui aller. Ses coéquipiers n'auront sûrement pas à travailler parce que déjà ils n'auront pas le maillot après le contre-la-montre par équipe. Ce sera soit la Sky, soit la Movistar pour quelques étapes. La Movistar. Bah, ouais, la Movistar, Movistar non, contre-la-montre non, mais ouais. Je pense que ce sera la Sky. Donc déjà pendant une semaine ils vont travailler. Les étapes de montagne. Je vois pas en fait le AG2R avoir le poids de la course sur ses épaules. C'est-à-dire que comme les années précédentes, Romain, bon, il a une meilleure équipe que l'année dernière, mais il devrait s'en sortir avec quelques équipiers qui vont rester avec lui en montagne. Pierre Latour notamment. Pierre Latour. Ouais. Il y a Franck. Mathias Franck. Ouais. Tony Galopin sur quelques étapes pas trop difficiles. Ouais. Mais voilà, ils n'auront pas supporté ce poids de la course. Et je pense que ça convient à Romain Bardet. Ça, c'est depuis toujours. Depuis toujours. Je pense qu'il est quand même meilleur. Le parcours est plus pour lui parce qu'il n'y a pas de contre-la-montre. Enfin, il n'y a pas de contre-la-montre. Il y a moins de contre-la-montre. Le contre-la-montre individuel est escarpé. Le problème de Bardet, j'espère que ça va lui... le contre-la-montre. Ouais, mais voilà, justement, il est escarpé le dernier contre-la-montre à la 20e étape. 20e étape, les états de forme sont assez aléatoires. Il progresse quand même en contre-la-montre, faut dire les choses. Si l'année dernière, on l'a vu, mais bon, l'année dernière, il faisait 35 degrés. Il avait fait un bel effort la veille. Moi, j'espère qu'il va aller gagner une étape. Déjà, je pense que c'est le minimum. Et voilà, surpasser le podium sera un minimum. Le plafond de verre que représente cette deuxième place. Après, je pense que vous oubliez quand même quelqu'un, c'est Vincenzo Nibali. Ah, ouais. Avec quand même les deux frères Izaguirre, Gorka et Ion, qui sont quand même très bons en montagne. Et je pense qu'il peut faire mal. Et après, moi, je pense que Michael Landa. Il n'y a pas Pozzo Vivo cette année avec lui. Il vient de faire le Giro. Il y est, ouais. Ouais, mais il peut. Alors, il peut aider. Je pense que Michael Landa a été très bon en montagne. Et... J'ai pas dit que Michael Landa allait être mauvais, bien sûr. Hein. J'ai juste dit que depuis le début de la saison, pour l'instant, il n'a rien prouvé. Il n'a rien montré, ou très peu. Il arrive un peu dans l'inconnu. Il partagera le statut de leader avec Quintana. Valverde, je pense, sera plutôt là pour aider. Et pour revenir à Nibali. Nibali, moi je le vois très bien tenir pendant deux semaines ou au contraire justement foirer la deuxième semaine pendant deux semaines et après se réveiller en troisième semaine et faire le remontée fantastique comme il a déjà fait souvent. Ouais, mais... Nibali, moi je sais que t'es un grand fan de Vincenzo Nibali, mais moi je le vois mal disputer un top 3 cette saison, Nibali. Alors moi je vais rebondir un petit peu sur tout ce que vous avez dit, je garderai Nibali pour la fin. Alors déjà par rapport aux équipes, moi je pense effectivement que en termes global, je pense qu'AG2R a vraiment la deuxième équipe du plateau, même devant Movistar, parce que je pense quand même qu'ils seront devant, alors sur les pavés notamment, qu'ils seront devant sur le contre-la-montre par équipe aussi, où on voit que Movistar a mis beaucoup de grimpeurs. Et je pense que le gros problème de Movistar, on a cité les trois, mais il y a aussi Marc Soler qui a gagné Paris-Nice, c'est, je pense, qu'ils vont se tirer dans les pattes à un moment. Ouais, et ça, que, c'est un risque. On l'a vu que quand il y avait Quintana et Valverde, tous les deux ils se tiraient dans les pattes. Marché, là, on rajoute un troisième larron qui, en plus, pour moi, devrait être leader parce que pour moi, il a surpassé Quintana. Mais c'est lui le leader. Quintana, il va être largué et ça va être vite réglé après. Oui, mais je suis d'accord. On sait pas, mais en attendant, je pense pas que. C'est la course qui décidera. Je pense pas que Quintana travaille pour Landa ou. Et même Valverde, je sais pas, on sait que Romain, il pourra en parler un peu plus, mais. Valverde travaille beaucoup pour lui aussi. Voilà. Donc ensuite pour Romain Bardet, je suis d'accord, moi je le vois gagner le Tour de France, vraiment, parce que pour moi le parcours lui convient bien. Je le rappelle, il y a trois arrivées en descente et on peut aussi faire un parallèle avec Nibali et je pense que Nibali ça peut lui servir. Il y a cette étape de 60 bornes où Bardet peut mettre le feu. Sur le contre-la-montre par équipe, je les vois vraiment pas à la ramasse. Ah, moi je les vois en difficulté. Ouais. Non, parce que regarde, la Tour champion de France du contre-la-montre, t'as Galopin, regarde sur le Dauphiné combien ils font un bon chrono. Donc effectivement ils seront derrière la Sky, ça il y a aucun souci. Ils seront derrière BMC. Si tu prends une minute, une minute trente, ça fait. Ouais, mais ils peuvent faire un coup sur les pavés. Ah, c'est pas énorme, mais en montagne, vu que personne n'arrive à faire des écarts maintenant ces dernières années, ça fait beaucoup. Ouais, mais moi je pense qu'ils peuvent, notamment en descente et sur les pavés aussi. En descente, je suis d'accord. Voilà. Ouais, les pavés aussi. Et donc, pour terminer juste avec Nibali, c'est dommage parce que ce tour, je pense, est fait pour lui. Parce que tout ce qu'on a dit sur Bardet, on peut vraiment le mettre à Nibali et vraiment à un point plus parce que bon, on l'a dit avec son palmarès, puis c'est un immense coureur. Moi, je pense qu'il sera pas loin. Malheureusement, le seul problème qu'il aura, c'est son âge. s'il va avoir 34 ans à la fin de l'année, et je pense que ça sera sa limite. Mais je pense qu'avec sa science de la course, lui c'est pareil. Si, mettons, Nibali il est à 3ème à 1 minute sur l'étape de 60 km, ah, il va tout faire péter. Il préférera terminer 4ème et tenter le coup. Comme Alberto Contador à l'époque. Ouais. Enfin bon, lui n'a pas mangé de viande avariée, je tiens à le rappeler encore. C'était volontairement une petite attaque, mais j'adore les deux coureurs. Peut-être du poisson avarié dans le détroit de Messine, mais... On laisse continuer l'espagnol en chef, on va dire. Ouais, l'espagnol du cyclisme ici. Et je sais que ce n'est pas le cas de Vincent pour le coup, mais... Ni de moi. Je comprends, ni de toi, mais voilà, les rivalités nourrissent les débats, donc tant mieux. Par rapport à ces coureurs, effectivement, je considère que Romain Bardet a sans doute une des plus belles opportunités de sa carrière. Déjà parce que le parcours peut lui être plus préférable. C'est un coureur qui calcule pas trop, justement, et c'est en ce sens-là qui me plaît bien. Pas forcément encore à l'image d'un Nibali. Il a beaucoup de choses à faire pour devenir l'égal d'un tel coureur et puis déjà, justement, gagner des grands tours. Mais il a une belle opportunité. Et puis moi, je voudrais rappeler quand même quelque chose, et puis qui est quand même important pour nos auditeurs, et pourtant ce sont pas des coureurs dont... Je parle pas des hommes, mais dont la manière de courir me plaît tant que ça. Ce sont Tom Dumoulin et Christopher Froome, qui reviendront assurément sur les prochains Tours de France pour l'emporter. Ils viennent aussi pour le faire, mais qui sortent effectivement du Giro, et donc je pense que ce sera plus compliqué pour eux. Nairo Quintana, c'est qui tout double ? À pas endormir tout de suite, parce que... Bah, pourtant, il nous endort un petit peu quand il court. Il est pas très bon en tant que leader. Un maillot à poids, oui, mais gagner une course, c'est pas possible. On sait très bien, tu dis ça, mais que... Ah, elle peut me surprendre, mais je le vois pas jouer le maillot à poids, parce que ça reste un coureur qui joue le général. Enfin, il s'est jamais intéressé à un maillot distinctif de ce type sur d'autres tours. Effectivement, il a une grande qualité en montagne, même si on regrette que par rapport à ses premières années, maintenant, il prenne le moins de risques possible. Mais c'est quand même un des coureurs sur le plateau qui a les meilleures références sur le circuit. J'ai pourtant peur, comme vous l'avez dit, que la première semaine lui soit fatale, et je pense aussi que c'est pour ça que la Movistar nous propose un peu ce triumvirat pour les historiens avec Valverde et Mikel Landa. Moi, à l'inverse, je crois beaucoup à Mikel Landa, qui a pas été très bon sur le début de cette saison, et que je pense être capable de passer un peu plus sur tous les terrains, et je suis assez persuadé que Alejandro Valverde cette année se mettra à la planche, parce que son grand objectif c'est sans doute un des titres qu'il a toujours pas remporté malgré ses multiples podiums, qui est le titre à Innsbruck en fin d'année de champion du monde. Et puis un dernier mot sur les favoris pour moi, ce sera de citer quelques coureurs dont je sais que Vincent, voire mes collègues, risquent de sourire un petit peu, mais justement, j'attends. Ah non, pitié, il finit 30e. Primoz Roglic. On verra, mais qui, pour le moment, ont performé effectivement que sur des courses d'une semaine, et on attend de savoir, alors peut-être qu'on va attendre toute notre vie, ils seront capables d'aller loin sur 3 semaines, qui sont Primoz Roglic et Richie Porte. Dans quelques années, il faut qu'ils se dépêchent, parce que Richie Porte se dépêche. Je pense qu'il faut qu'il se dépêche. Je pense que cette année, s'il n'est pas capable d'accrocher, je parle pas d'une victoire, mais d'un top 5 sur le tour, ce sera sans doute. Et la BMC lui fera pas forcément confiance d'autres saisons. Je crois qu'il part de la BMC même. Il me semble que j'avais vu ça. Ce serait pas impossible. Mais en tout cas, oui, tout ça pour dire, vous avez vu le nombre de coureurs qu'on a cités, que cette année le plateau est assez exceptionnel et très ouvert, et que je pense qu'il y a de quoi se régaler. On a oublié TJ Van Garderen quand même. Peut-être. Même sa famille, il a oublié lui. Fabio Aruz, hein. Il devait y être. Pour terminer, dernière petite question qui va durer 4-5 minutes. Est-ce que vous avez des étapes à suivre de près et que vous avez noté sur ce Tour de France ? Je pense qu'on est tous unanimes. Sur l'étape à 65 km, c'est ça ? Il y a celle-là. Et il y a celle qui pourrait aussi créer beaucoup d'écarts, c'est l'étape 10. Ou non, c'est l'étape du 10 juillet avec les pavés ? Ah oui. Oui. Non, le 15 juillet. Le jour de la finale de la Coupe du Monde. Des finales, c'est Wimbledon aussi. On n'oublie pas Wimbledon quand même. Donc pour moi, ce sera un des facteurs X de ce Tour de France. Et moi je pense aussi, même si c'est plus court, Mur de Bretagne sera quand même à suivre. Mais c'est un début de tour. Oui, c'est un début de tour, mais si t'es pas bien ce jour-là, tu peux rester en bas de la côte. Tu prends ta minute. Et puis là, l'étape qui arrive à Mende, c'est le Massif Central, ça paraît pas comme ça, mais la montée Jalabert, elle fait mal aux jambes. Il y en a qui peuvent être surpris. Bah, là, là où je te rejoins sur le fait qu'on cite pas forcément que les grandes étapes, des fois il y en a voilà, qu'on voit sur le papier qui ont l'air flamboyantes, puis même qui peuvent... Et il y en aura forcément une ou deux comme ça, hein, qui risquent de nous décevoir au final, hein, comme sur le Tour de France, mais ça peut arriver aussi sur d'autres courses. Je crois bien, ne serait-ce que pour l'intérêt effectivement télévisuel à cette étape de Mur de Bretagne et à celle de Mende, après je suis pas sûr qu'elles aient un impact très fort sur le général, mais justement il y a des coureurs un petit peu surprenants comme ça, qui sont capables de prendre des risques, et d'autres à l'inverse, qui soit en début de tour, soit en milieu de tour, seront pas forcément... voilà, auront peut-être des petits creux, et c'est là où les audacieux devront oui, être capables de prendre du temps. Puis il y a une étape dont on a quand même par contre pas parlé, qui fait partie des grandes étapes à suivre. Je pense d'ailleurs, mes collègues sont là, que je vais prendre un jour de congé ce jour-là. C'est quand même l'étape de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, j'ai parce que c'est souvent un juge de paix, c'est une étape mythique. Je sais pas si elle fera tant d'écart que ça, parce que maintenant, ces dur avant, de plus en plus géré. Ouais, c'est dur avant. Mais ce sera dur avant, donc je pense qu'il y a vraiment le terrain pour beaucoup, pour exploiter et faire quelque chose de magnifique. Ouais. Moi, j'en ai noté une. Bon, vous avez dit toutes celles qui étaient intéressantes, c'est celle de la Rosière. Voilà, j'y ai passé. J'y ai passé quelques vacances là-bas, et c'est très beau. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop forcément le vélo, qui aiment au moins les paysages, regardez là, parce que même la montée. Et puis c'est une belle étape, la montée de la Rosière. On l'a vu cette étape, on l'a vu sur le Dauphiné. Et elle est vraiment très costaud par là où il passe. Et voilà, il y a deux cols hors catégorie, je crois, un ou deux. Donc elle va être au moins très belle visuellement. Et aussi, il ne faut pas oublier quand même l'étape du contre-la-montre par équipe, où aussi beaucoup de choses devraient se passer, je pense, pour cette étape. Toutes les étapes, en fait. Mais justement beaucoup d'étapes sont importantes sur ce tour. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il y a des étapes courtes, il y a des belles étapes de montagne. Et puis le maillot jaune peut changer d'épaule très souvent. C'est ça, des pavés, du maillot jaune, y a du contre-la-montre par équipe. Il y a les étapes, comme vous avez dit, Mur de Bretagne, tout ça. Il y en a même une autre en Bretagne qui va vraiment ressembler à Liège. Et du coup, ça peut vraiment... Si. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Brest, Bastogne, Brest. Voilà. C'est ça qui arrive à Quimper, un peu comme ça. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Et du coup, ça peut être intéressant de voir plusieurs... Et c'est pour ça que c'est vraiment le coureur le plus complet qui gagnera. D'où mon penchant pour Nibali. Et du coup, pour Bardet, qui, je pense, sera plus jeune et qui est plus complet que... Voilà. Guillaume devait peut-être rajouter une autre encore d'étape. Bah ouais, après il y a les classiques. Les Champs-Élysées, parce qu'on a dit qu'on les a pas. Les Champs-Élysées, non, il y en a une que vous n'avez pas citée et que j'espère va faire du mal et va lancer la course, c'est la première. La première, parce que samedi on part en contre-la-montre, on part sur une étape en ligne. Avec un magnifique paysage après. Oui, ouais, en plus. Oui, mais. Oui. Jean-Paul Olivier. Pour un départ de Tour de France, c'est quand même assez exceptionnel. Je sais pas si vous connaissez le passage du Gois. Le passage du Gois, oui. Ce sera une belle étape avec une centaine ou plus, voire 120 km face à la mer, long de la mer. Avec c'est un guide touristique en fait, le Tour de France. Le long de la mer, en fait, de l'océan même. Et j'espère qu'il y aura une équipe qui pourra dynamiter la course dès le premier jour. Une équipe comme la BMC. Ah ouais, bah non, tu peux pas compter sur eux pour dynamiter quoi que ce soit. Ils ont une mentalité un peu folle des fois. Ah bon ? Sur ces étapes-là, oui, par contre. Ouais, la Quick Step, la Barlow World. Le problème, c'est que BMC, il va falloir qu'ils dynamitent très tôt, parce que dès les pavés, Richie Porte, il va avoir du mal. Voilà, mais après, la Quick Step, c'est l'équipe type pour ça, mais bon, ils ont pas de coureur pour le général. Ils ont Bob Jungels. C'est sympa d'avoir le maillot jaune au début. Ouais. Moi voilà, j'espère que c'est une étape sur laquelle je compte beaucoup dès samedi. Écoute, on compte sur toi, à la Philippe. Bon, on termine là-dessus et on va... On n'aura même pas cité, mais ça permettra de dire qu'effectivement on risque de se régaler. C'est ce qui me réjouit de ce parcours du Tour de France, c'est qu'on n'a même pas parlé des Pyrénées. On n'en parlera pas parce que sinon on va déborder. Mais que voilà, ce qui est intéressant, c'est que va y avoir pas mal quand même d'étapes de montagne. Plutôt quand on évoquait le sujet des favoris, Vincent a cité qu'il y aurait des étapes qui arriveraient avec des descentes intéressantes, donc ça risque d'être à suivre. Et puis par rapport à d'autres grands tours, la première semaine va être très casse-pâte et avec des dangers un petit peu de tous les instants qui risquent au moins d'évacuer 2-3 concurrents au top 10. Très bien. Donc en gros, il y a 20 étapes à suivre, les Champs-Élysées où on s'en fout quoi. On va passer à notre première champagne. Première pause musicale, c'est évidemment Tim qui l'a choisi, et c'est XXXTentacion, un petit hommage à celui qui nous a quitté, je crois, cette semaine, et notamment avec le titre Sad. Not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. I gave her everything. She took my heart and left me lonely. I think broken hearts contagious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love. I love when you're around, but I fucking hate when you leave. Who am I? Someone that's afraid to let go. Suicide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. De retour sur Sport and Chill, pardon, j'ai du mal à la fin. Il y en a qui c'est le genou là. C'était XXXTentacion avec le titre Sad. On passe tout de suite à notre jingle Coupe du Monde. Le dernier jingle Coupe du Monde, jingle télé évidemment, de cette compétition. On va commencer avec notre équipe de France, évidemment, avec un match qui vous a sûrement plu, je pense. Pas trop, mais... Avec une question très simple dès le début, qu'avez-vous pensé de ces huitièmes? Est-ce que c'est un match... Juste apprécié, un match... Il y a eu un petit changement d'équipe. Donc, oui, il y a eu un changement d'équipe, je te remercie de le dire. Il est là ce soir, Romain. Il y a l'équipe type qui est rentrée. Il y a Romain d'ailleurs qui reste avec nous, tout comme Alex et Guillaume. Avant c'était le France à Danemark, là maintenant c'est le France. Il y a notre Guillaume qui... Il y a notre Guillaume qui est en forme, qui arrête pas de parler depuis le début. C'est notre Guillaume Gallès. Il y a cette proportion avec Prolix finalement. Ouais, trop marqué. J'aime m'accaparer tout. Prolix. Avec Tim aussi qui est là et Yacine qui nous rejoint ce soir. Bonsoir messieurs. Salut à tous. Et on va donc commencer avec donc les huitièmes de finale. On va peut-être commencer avec Romain. Tu veux commencer sur ces huitièmes face à une équipe d'Argentine qui t'a plu ou pas? Que de choses à dire. Franchement quand même un match on peut dire là qui m'a vraiment plu de notre équipe de France. Après un point quand même important à préciser, et je pense que tout le monde va me rejoindre là-dessus, c'est que cette équipe d'Argentine avec son jeu un peu trop ouvert même j'ai envie de dire, nous permettait aussi de voir notre équipe de France développer le jeu qu'elle a pu faire, fait justement d'espace, de ses passes en profondeur pour Mbappé qui a pu nous régaler sur ce match. Et effectivement, l'aspect tactique, suivant le dispositif qui a été mis en face par le sélectionneur et le type de joueur qu'on rencontre, ça le permet plus ou moins. C'est sûr, bon, à part que ce match est à totalement oublié, contre le Danemark, on n'était pas du tout dans la même proposition non, des deux côtés, d'ailleurs, hein, le même contexte. Et moi, je me suis vraiment réjoui de ce match, surtout pour un premier huitième de finale. Bon, je savais pas trop quoi en penser, comment ça allait se passer, même s'il y avait quand même beaucoup d'ingrédients pour qu'on se régale. Et moi, je me suis vraiment régalé. Ça finit à 4-3, certes. Mais vraiment, vraiment un super match de mon point de vue. Et il y a certains joueurs de l'équipe de France qui m'ont bien plu là. Et que j'attendais pas forcément à ce niveau-là, du moins sur ce match, au vu de ce qu'ils avaient montré lors des précédents matchs de poule, et ils ont répondu présent. Merci Romain, juste je tenais à préciser, j'ai calculé tous les pronostics de l'année, et en calculant le France-Danemark, vous avez, je crois que c'était pendant ton émission avec Paul, il y a un certain Guillaume Laval qui a dit une phrase vraiment très intéressante sur France-Danemark. Il avait dit, ils vont se lâcher les joueurs sur ce match-là. Alors, je tenais à le remercier. Ils sont lâchés, c'était beau de dire ça en imaginant que France-Albanie 0-0 en 2016, France-Équateur 0-0 en 2014. Niveau spectacle, on régale. Non, mais franchement, il n'y a aucun respect ici. Et j'ai entendu dans l'oreillette qu'il pensait un 0-0 ou un petit 1-0 contre l'Argentine, paraît-il aussi. Ouais, bah, j'ai bien senti le coup. Il est bien senti. Peut-être, Tim, tu voulais réagir ce week-end. C'est vrai. Écoute, pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Romain Hein. Non, écoute, je pense que c'est le premier 8ème, le match qui nous a le plus envahi la Coupe du Monde après France-Espagne. Je pense que c'est le deuxième plus beau match qu'on ait vu dans la Espagne-Portugal, non, tu veux dire. Pourquoi j'ai dit quoi? T'as dit France-Espagne. On n'a pas eu, j'aurais bien aimé, mais j'aurais pas le droit. Je pensais que j'étais en 2006, quoi. Non, oui, je voulais dire Espagne-Portugal, du coup. Bah, il y a tout eu dans ce match. Il y a eu l'intensité, le suspense, il y a eu des buts remarquables, parce qu'on parle beaucoup du but de Benjamin Pavard, mais le but de Di Maria est quand même aussi assez exceptionnel. Donc, au-delà du scénario, c'est aussi l'issue du match qui nous permet de s'emballer, parce que mine de rien, on se qualifie en étant mené au score. Puis, quelques individualités qui ressortent, sans pour autant qu'on ait eu, je trouve, un collectif vraiment hyper rassurant, mais je pense que c'est pas la peine de s'attarder dessus. On a eu une force de caractère et une capacité à réagir quand même très intéressante, un aspect mental aussi qui est fondamental pour aller loin dans la compétition. Donc on ressort quasiment que du positif, si ce n'est quand même la fragilité défensive. On en prend quand même 3 et je trouve pas qu'on soit très rassurant derrière, mais notamment sinon, le dernier qui semble évitable, quoi. Enfin, les deux autres plus difficilement, mais le dernier est évitable. Peut-être Guillaume, et après Yacine qui réagit. Oui, alors je suis assez d'accord avec tout ce que j'ai entendu, mais bon, je vais faire un peu le père fouettard, je vais calmer l'enflammade. Après, niveau spectacle, bien sûr, on s'est régalé, mais après, comme on l'a dit, c'est une Argentine qui était faite pour nous régaler aussi. Ils ont ouvert une autoroute à Mbappé. Défensivement, on a vu que c'est peut-être qu'une des équipes les plus faibles. C'était du gruyère derrière, disons-le. Dans les entre guillemets outsiders, c'était peut-être la défense la plus faible. Tactiquement, j'ai pas compris ce qu'a fait Sampaoli encore. On voit que c'est une équipe qui est pas cohérente du tout. Ben, je pense que c'est pour ça qu'il va être dehors. Après, oui, voilà, moi ce que je regarde surtout dans ce match-là, c'est que face à une Argentine qui n'était pas rassurante, que ce soit derrière ou même devant, on a quand même pris 3 buts, quoi. Donc c'est ce qui m'a le plus inquiété. Et cette charnière Varane-Umtiti, plus les matchs passent et plus je suis pas tellement emballé, parce que là on a eu encore que des équipes assez moyennes. On sera d'accord, l'Argentine c'était pas non plus un gros cadeau, hein, on va être d'accord. Oui, mais est-ce que l'Uruguay c'est super offensivement que l'Argentine? Je suis pas sûr. Non, mais ça sera un défensif match, c'est supérieur. Beaucoup plus solide défensivement. Là par contre, à mon avis, il y aura pas 4 enfin, je dis ça, ça peut se passer, tu vois, surtout vu les 5 dernières confrontations, quoi. À mon avis, là oui, donc on a pas mis un but sur les 5 dernières confrontations, on a pas mis un but. On a pris qu'un. Donc à mon avis, ça sera un match serré. Donc dans un match comme ça, messieurs, pas tous en même temps. Après, là je termine juste là, je suis tout à fait d'accord avec un point dans dit team, c'est que je suis pas énervé, je suis tranquille, posé, parfait. Alors c'est qu'il y a une force de caractère, par contre, pour le coup c'est une équipe qui a pas tellement de vécu et d'expérience au très haut niveau, donc c'est à dire Coupe du Monde, et en étant mené dans ce match, j'ai pas senti tellement inquiet, et ils ont continué à dérouler et un peu plus se lâcher, et c'est là où on voit que cette équipe de France a quand même des armes offensives intéressantes. Oui, là où j'ai trouvé l'équipe de France intéressante, en fait, même par rapport au nombre de buts concédés, c'est que, bon, la première frappe, Di Maria, on peut absolument rien y faire, si ce n'est à la rigueur. Le pressing, après, comme sur le but d'Eder, par exemple, il y en a beaucoup qui ont fait parallèle. Ça, en effet, ça peut, être un conseil. En effet, on peut en tirer des leçons. La frappe de Mercado, enfin, le but de Mercado, c'est une frappe improbable où la défense ne peut rien faire. En effet, moi, le but, voilà, ça c'est sûr et certain. Mais le but, en effet, où on serait né à tirer des leçons, c'est le dernier but, surtout au niveau du marquage. Clairement, le centre était parfait, mais je crois que c'est Pavard et Varane qui passent à travers. Et contre l'Uruguay, ça risque d'être assez différent. Déjà, il n'y aura pas Cavani, mais bon, Suarez, attention, c'est le principal. Ah ouais, bah je crois que c'est quasiment sûr. Enfin, ah ouais, je verrai, mais sûr. Oui, il sera pas là, ouais. Cavani. Et le principal écueil, en effet, c'est surtout éviter que cette victoire soit un trompe-l'œil, parce que bon, évidemment, l'équipe argentine, on savait même dès le début du match qu'il y aurait des boucles vers derrière, clairement. Ouais, attention, c'est pas un exploit. Hein. On essaie. Non, c'est pas du tout un exploit. Absolument. On devait gagner, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut absolument rester les pieds sur terre, parce que on a clairement vu que les longues relances dans l'axe déstabilisaient cette défense, chose qu'on ne verra jamais avec la défense uruguayenne, qui sera très bien groupée. Et dans cette compétition où les défenses, souvent avec un bloc bas et puis après avec des contre-attaques fulgurantes, la plupart du temps fonctionnent, et la plupart du temps font la victoire des équipes, l'équipe de France peut, même si ça nous embête un peu tous, pour ne pas dire un mot plus méchant, ça peut nous amener loin si on continue. Après, clairement, contre l'Uruguay, qu'on aura clairement le pied sur le ballon. Je pense pas que l'Uruguay fera le jeu non plus. S'ils ont d'autres ressources que la simple tactique et le bloc bas, etc. Ils ont des bons joueurs de ballon. Plus habiles sur la rigueur tactique. Voilà, on peut penser qu'on aura le pied sur le ballon. Clairement, il faudra débloquer le compteur. Et je pense que même si on gagne, ça sera pas 3-0, 2-0. Non, ça sera plutôt de l'ordre du 2-1 ou du 1-0, clairement. Voilà. C'est la meilleure défense de la Coupe du Monde. Je vais faire une petite question pessimiste. Est-ce qu'on est arrivé à notre maximum pour l'équipe de France? C'est-à-dire, je pense pas. Notre maximum au niveau de nos potentiels. J'espère pas. Moi, je pense pas. Cette question, elle est très bien faux. Mais je crois qu'il est dit, elle est nulle. Non, elle est nulle. Je dépends en quiz. Hein. Oui, exactement. Malin celui-là. Non, alors, je pense pas qu'on puisse juger du maximum d'une équipe sur une compétition, parce que la finalité, en fait, c'est la gagne. On peut gagner. Et oui, on est dans une compétition pour gagner. Et s'il faut gagner en jouant sale, surtout Deschamps, il le fera. La Russie, c'est ça, en Portugal. Ouais. La Russie, s'ils gagnent, tant mieux pour eux. Oui. Ce sera pas nous, tant pis. Mais ils auront un bus solide. Non, c'est vrai que la question de la morale au niveau d'une victoire internationale, elle est souvent très petite. Est-ce qu'on demande aux Portugais s'ils regrettent leur victoire? Pas du tout. Et pourtant, ils ont joué très salement. Donc voilà, je pense que le maximum de l'équipe, on le verra sur la longueur. Peut-être que si cette génération va jusqu'à aller à la Coupe du Monde 2022, voire l'Euro 2024. Mais pour cette compétition-là, je pense que la finalité, c'est la gagne, surtout dans l'optique de Deschamps, dans sa vision du jeu. Ah bah lui, sinon, il devrait y aller. Et donc, notre maximum, personnellement, je pense pas qu'on l'ait atteint, parce que fait de monter en puissance, voilà. Match après match, quoi. On a pas des joueurs démarre. Ce match, on a profité, voilà, exactement, on a profité de la faiblesse de l'adversaire en défense. Moi, pour moi, le problème de défense, tant qu'on met un but de plus, ça me pose pas de problème. Mais c'est pas anecdotique non plus, tu vois. C'est pas anecdotique sans doute, surtout le troisième, parce que le troisième il est un peu bébête. Oui, mais sur un match comme ça qui est spectaculaire, tu t'en sors vainqueur. Et puis la 92e, ils vont resserrer contre l'équipe comme l'Uruguay. Voilà. Au final, on a peur pendant 2 minutes, c'est ça plutôt qui nous fait penser à ce but. Sinon, si on gagne 4-3, classique, on n'en parle pas. Et donc, le maximum pour moi, il n'est pas atteint niveau offensif surtout. Enfin, plus entre la liaison milieu-attaque. Ouais, exactement, il n'y a pas de cohésion. Voilà, il n'y a pas encore la cohésion. Ça envoie en profondeur sur Mbappé. Alors, j'ai adoré le quatrième but qui part d'une relance de Lloris. Ah, il est magnifique. En une touche de balle, but, celui-là, pour moi, il est même plus beau que Pavard parce que c'est collectif. Ouais. Pavard, c'est un exploit individuel qui ne fera pas deux fois. Et Mbappé finit en une touche, c'est celui-là. Ouais. Voilà, il finit en une touche, petit filet, il la met parfaitement. Ouais, très beau. Et voilà, c'est. Le maximum, en fait, ça dépend aussi de l'adversaire. Et je pense que contre l'Uruguay qui fermera le jeu, on retrouvera une équipe de France comme on a vu dans les phases de poule, plus serrée, quoi. Qui essaiera de gagner son match comme elle le peut. Un exploit individuel, une frappe déviée de Giroud qui finit dans les pieds d'Mbappé, ou ce genre de choses là. Mais tant que ça gagne, je prends. Mais voilà. Après, Deschamps, on l'aime pas pour son spectacle, on l'aime pour son efficacité. Pour l'instant, qu'on le veuille ou non, il a fait des parcours. Oui, il n'y a jamais eu un vrai fond de jeu. Alex, ouais, pour le réagir. Sur le fait qu'ils aient atteint leur maximum, j'aurais plutôt tendance à dire oui. Car face à des équipes qui ne font pas le jeu, l'équipe de France n'y arrive pas. Vous oubliez quand même que c'est passé à deux doigts, qui est 4-4 au bout des 90 minutes. Face à une équipe collectivement comme l'Argentine qui était très faible, ça fait quand même un petit peu peur derrière. Le but de Di Maria, je suis désolé, mais quand vous êtes entraîneur, vous ne pouvez pas prendre un but comme ça. Il doit y avoir un pressing aussi, et offensivement, Mascherano, je veux dire, il avait la locomotive, les wagons accrochés derrière, il courait pas, hein, donc, était dans le dur. Mais après, moi je serais tenté sur ce genre de match, comme je l'avais dit, d'être un peu indulgent. Ouais. Sans non plus m'enflammer. C'est-à-dire que clairement, il ne faut pas que ça soit une victoire en trompe-l'œil, mais c'est au final, c'est un match où il y a eu des feux d'artifice de partout. Donc le 4-3, à la rigueur, tu encaisses un but à la dernière seconde, quasiment. Hein, oui, qui au final, qui a plus anecdotique qu'autre chose, en effet. Alors que tu avais fait le jeu, tu avais été meilleur que l'adversaire pendant quasiment tout le match, sauf les 20 minutes où les Argentins ont mené. voilà, je pense qu'il faut pas après, plus s'alarmer sur ça. C'est impossible que cette génération arrive à son maximum là, parce qu'il y a plein moi, je pense de joueurs qui démarrent leur complémentarité. Ouais. Regarde, Umtiti, Varane, c'est leur première Coupe du Monde. Mbappé, c'est la première. Griezmann, c'est quasiment le moment où il est son un projet. Son peak time, c'est sa première Coupe du Monde dans ce système-là. Milieu terrain, il y en a pas mal aussi qui démarrent encore. Que vous en pour le futur, vous... mais c'est peut-être pas pour cette Coupe du Monde là. Ah, pour cette Coupe du Monde, je pense qu'ils sont pas encore tout à fait prêts. Messieurs, justement, vous parlez des joueurs au cas par cas. Est-ce que vous pouvez dresser un top 3 des joueurs de cette équipe de France sur lequel Didier Deschamps doit s'appuyer pour le prochain match, peut-être Lloris en 1, grosse pipe par contre. Non, Mbappé en 1, ça c'est sûr, je pense. Ça sera l'avenir. Kanté. Que vous le vouliez ou non, pour moi, il y aura Pogba. Qui divise encore, mais qui a été vraiment meilleur. Qui rassure, je suis désolé, c'est l'un des plus réguliers. Non, pour une fois, il a rassuré depuis le début, je reconnais. Non, mais c'est vrai. Kanté me plaît. Mbappé, Pogba, Kanté. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense aussi quand même que. Rabio, attention aux séances de tir au but, c'est Landreau. Non mais Thauvin l'a bien rassuré aussi sur son entrée là. Non, par contre, ça je trouve ça bien qu'il ait donné le jeu. Ben, il a fait le résumé de tous les gros matchs de l'année là sur cette entrée là. Je pense que vous oubliez Matuidi. Parlé contre le Danemark. Parce que l'absence de Matuidi pour moi est très préjudiciable pour le quart de finale. Dans son utilisation qu'il en fait en ailier gauche, je pense qu'on peut s'en passer, que Tolisso va très bien faire l'affaire. Ouais, mais l'aspect tactique et défensif est important et c'est bon. C'est vrai que Tolisso n'aura pas la même concentration et la même exigence au niveau défensif. Il aura qui sur son côté, Matuidi? Tolisso. Tolisso, il aura Laxalt ou Caceres. Je pense que Tolisso pourrait s'en sortir quand même. Ouais, est-ce qu'on pourrait dire un certain Hernandez qui a fait plutôt des très bons matchs? Si, ouais. J'allais en parler, c'est-à-dire que on parle un petit peu de ceux qui doivent être et qu'on attend depuis un moment des tauliers en équipe de France. Je pense qu'il y en aura besoin, notamment contre l'Uruguay, d'un grand Paul Pogba, comme nous le dit Tim, qui sur ce dernier match s'est plutôt retrouvé. Dis-moi, j'étais vraiment marqué sur la durée de la Coupe du Monde par Lucas Hernandez, qui fait une grande Coupe du Monde, qu'il advienne, je pense, surtout pour sa première avec aussi peu de matchs au niveau international. Et puis ça va être intéressant parce qu'il va être opposé, bon, il sera pas à côté d'eux, hein, parce que c'est défense à défense, là, c'est notre à deux de ses coéquipiers à l'Atlético que sont Godin et Jiménez. Donc il y aura un duel à distance, en plus, j'ai envie de dire. Hein. Et dans un match où l'Uruguay est quand même une sélection qui ressemble pas mal à l'Atlético Madrid sur certains aspects, je trouve ça intéressant d'avoir un Lucas Hernandez. Ouais. Et puis même si on l'a vu des fois un petit peu nerveux, mais moi globalement, j'aime bien ça justement, c'est un gars qui va aller au charbon et dans des matchs où il faut bien se la donner, où il faut aussi marquer son territoire, il sera capable de le faire, en espérant juste bien sûr qu'il ne disjoncte pas. Et puis derrière Lucas Hernandez, moi je pense que ce qui est important dans une équipe et dans tout sport collectif, c'est d'avoir un petit peu une colonne vertébrale, et moi je la trouve quand même pour le moment plutôt bonne, avec notamment Varane quand même. Il faut le dire, qui a bien changé. Je suis plus inquiet pour le moment pour Umtiti. Kanté. Ce que j'allais dire, il y a pas. Et devant, j'ai du mal à savoir lequel est vraiment le leader, mais disons Mbappé dernièrement, qui est le déjà plus performant. En... Et puis en point d'appui sur un match comme celui-ci. Question simple, Griezmann doit-il être titulaire pour le prochain match ou pas? Oui, ce serait incohérent que le discours des Deschamps de là, s'il met Griezmann sur le banc, je comprends pas, parce que à la fin du match contre le Danemark, on l'interroge, on lui dit est-ce que le journaliste remet un peu en cause Griezmann, et Deschamps dit non, il n'y a pas à remettre Antoine Griezmann, c'est vraiment son point de fixation en attaque. C'est l'un des trois qui bougera pas, c'est lui quoi. Ce que j'ai trouvé intéressant, même en tout si cas, intéressant chez Deschamps, c'est le fait qu'il n'ait pas hésité à le sortir quasiment depuis le début de la compétition à chaque reprise, sans pour autant le sanctionner en le mettant sur le banc au coup d'envoi. Je trouve que c'est un bon management. Après, évidemment, le Griezmann s'était réveillé à l'Euro à partir des 8e. Là, on l'attend toujours, clairement. Mbappé nous a sauvés pour un match. Mais pour en venir à Hernandez, moi, j'ai juste envie de dire, quand j'entends certains dans le monde médiatique, etc., qui sont un peu rétifs. Régale celle-là. Je te remercie. À l'attitude d'Hernandez, je trouve que sur la radio, ça. Certains deux fois dans l'émission. À l'attitude d'Hernandez, moi, ça me fait un peu rire parce que des fois, on loue un peu sa manière à trop être dans les duels, à trop être dans la contestation, etc. Mais c'est aussi pour ça, je pense que Deschamps le met sur le terrain. C'est parce qu'au-delà de son assise défensive et technique, parce qu'il est aussi technique sur le terrain, c'est quelqu'un qui fait preuve de caractère et on en manquait un peu en équipe de France. Alors, moi, ma colonne vertébrale. Ça serait un peu comme Romain, je ferai un peu du classique, du Varane, du Kanté, du Mbappé. Ok, très bien. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de Pavard depuis ce but, mais Hernandez, c'était une petite surprise de voir sélectionné. Pavard, il fait pas un énorme match, c'est juste qu'il met un but extraordinaire. Plus, ouais, c'est ça. Il est plus régulier, moi, je trouve Hernandez. On va peut-être plus parler de l'équipe de France pour parler d'autres équipes. J'en ai sélectionné deux. Peut-être premièrement l'équipe d'Espagne, qui a déçu autant que l'équipe d'Allemagne. Allez, pour en parler. C'est à mon filou. C'est dur pour Romain, mais il faut en parler parce que c'est quand même. Il a pas l'écharpe, là, bizarrement. Il a mis les chars des bleus là. J'aurais pu la mettre. Mais je l'ai avec moi. Ouais. C'est une équipe qui, non, pas, du coup, qui est un peu, les gars, qui est un peu déçue. Est-ce que c'est bon? C'est une un peu démago de dire ça, mais est-ce que c'est la fin du cycle? Moi, je suis pas très sûr de ça. Pour le coup, j'avais vu effectivement. Je trouve que la question est intéressante. Fin de cycle, je suis pas forcément d'accord parce que contrairement notamment au dernier Euro, pardon, l'équipe a quand même déjà beaucoup changé, avec beaucoup de nouveaux visages. Je sais pas par contre s'il y a pas eu l'erreur de vouloir garder certains joueurs un petit peu à tout prix, d'expérience pour cette compétition. On voyait que voilà, Iniesta, c'était peut-être la compétition de trop. Busquets, je sais pas parce qu'il est quand même vraiment. Je l'aime pas trop, hein, mais il est quand même. Non, j'aurais pris aussi, donc je le prendrai. Piqué, par contre, d'ailleurs, c'est sans doute sa dernière compétition. Il risque d'annoncer prochainement son retrait de la sélection. David Silva, ouais. Sans doute. Donc voilà, effectivement, le fait qu'il y ait des têtes d'affiche qui soient un peu symbole de fin de cycle, ça très probablement. Mais quand même, cette équipe d'Espagne était en train de changer de visage. Et le regret, c'est le même qu'on présageait dès le départ. C'est plus cet épisode qu'il y a eu autour de Julen Lopetegui lorsqu'il a signé au Real Madrid. Assez persuadé, eu un impact à partir du moment où on avait déjà vu un petit peu des signes avant-coureurs en poule, mais a eu un véritable impact au moment des matchs de phase finale et notamment de ces huitièmes. Au-delà de ça, je pense aussi qu'il ne faut pas non plus simplifier le débat à le départ du sélectionneur. On voit aussi, et c'est le cas pour d'autres équipes, et l'Espagne en est le symbole et l'a été depuis des années, qu'aussi c'est la fin d'une manière de jouer au football, notamment au niveau international, face à des équipes très regroupées. Moi quand je vois cette équipe d'Espagne s'exprimer encore ainsi avec le match un petit peu escamoté avec plus de 1000 passes contre la Russie, on voit très bien que ils finissent dans une sorte d'impasse et qu'à un moment il y a des limites, ça a ses limites. Ça manquait beaucoup d'horizontalité, de verticalité pour être capable de vraiment de donner un autre visage à ce match qui a été sans doute même un des huitièmes les plus tristes. C'est sur le niveau du jeu. Tu m'as bouffé mon argument. Je pense que c'est la fin du jeu de possession, la mode du jeu de possession mis en place par Guardiola au Barça il y a une petite dizaine d'années maintenant. C'est très facile pour les adversaires de lire le jeu espagnol. En fait, dans le football, c'est très facile de défendre. C'est le plus facile de défendre, pas très facile, mais c'est le plus facile de défendre que plutôt de proposer quelque chose. C'est sûr. Quand tu as des joueurs qui ont la caisse, comme les Russes ont la caisse, parce que physiquement ils sont là. Pas que la caisse. Alors voilà. C'est des grosses caisses qu'ils ont mis derrière. Donc ça passe. Ils arrivent à tenir 90 minutes à courir derrière le ballon, surtout que l'Espagne n'a rien proposé. Donc je pense que sur ce match-là, le résultat est tout sauf une surprise. La Russie n'a pas gagné non plus. Ils ont gagné au tir au but, ils sont qualifiés, mais ils ont fait match nul. Et voilà, pour battre l'Espagne de 2016-2018, l'Italie aussi a battu l'Espagne en 2016. À l'Euro en jouant un football défensif, en plantant deux buts en contre. Bien sûr. Désolé Yacine. Faut dire les choses. Non mais je limitais, c'est exagéré quand même. C'est différent de la Russie. Sur l'Italie de Conte. C'est différent de la Russie. Il y a eu pire. Hein, mais c'est la même approche. On peut quand même. C'est un football c'est dur. C'est dur pour la Russie. C'est un football qui pressait beaucoup plus. Ce football. Oui, il y avait plus de pressing du côté italien. Même les Conte c'était mieux joué que la Russie. D'ailleurs, je te laisse réagir. Pas sur l'Italie. Non, pas sur l'Italie, mais là où je vais relancer Romain, en fait, en effet, je dis pas qu'il m'a pris mes arguments également, mais c'est sur quoi j'allais parler. Ce que je trouve absolument absurde, c'est la statistique des 1050, voire 1100 passes. 1124, je crois. Voilà, ça aurait pu être un quiz. Fait contre la Russie. Parce que la Russie n'a pas touché la balle. Dans un football, j'allais le dire, en effet, qui privilégie, qui met la primauté à la verticalité. Et qu'on ne me dise pas que cette équipe d'Espagne n'en est pas capable. Elle a tous les joueurs pour casser des lignes avec des passes de génie. C'est pas parce que Xabi Alonso est parti que des passes manquent. Isco est à surnager, mais il était bien le seul, hélas. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que cette équipe d'Espagne. Ouais, pas de Ginta, quoi. Euh, je, pense que pour le oui, je pense que le départ de Lopetegui a eu de grandes conséquences sur le groupe. Je ne sais pas si on aurait eu le même football. Je pense que Hierro a été quand même assez frileux. Il a quand même voulu laisser le gros noyau dur des joueurs qui étaient champions, les trois derniers championnats, etc. Le coaching le reflète d'ailleurs. Ouais, ouais. Mmh. Et clairement, après, il a mis Asensio titulaire contre la Russie. Ouais, mais ça, oui. Ouais. Ça, c'est des entrées en jeu. C'était encore la seule audace qu'on a pu trouver, parce que j'ai trouvé qu'un mec comme Iago Aspas n'avait pas eu suffisamment sa chance, qu'un mec comme Rodrigo n'a jamais été utilisé sinon lors de son entrée face à la Russie. Et on a très bien vu qu'en termes d'explosivité, il en était capable. Voilà. D'ailleurs, très dur, je trouve, pour Iago Aspas d'être finalement celui qui rate le dernier penalty, alors que moi je lui promettais une autre Coupe du Monde. Ouais, moi aussi. Guillaume puis Alexis. Alors moi j'ai vécu l'élimination sur place et je vais vous surprendre, mais ils étaient pas si surpris que ça. Parce que je pense qu'en Espagne, ils se sont... T'étais en Espagne ou en Catalogne ? Ouais, en Catalogne. C'est toujours pareil pour l'instant. Il y avait quand même des supporters espagnols. Combien de gens catalans sur mes meilleurs amis. Il y a Piqué. Ah oui, Busquets. Jordi Alba. Il y en a quelques-uns quand même. Donc ils étaient quand même... Pour l'Espagne, je pense. Et ne dites pas Iniesta, parce qu'il n'a jamais été catalan. Et pour terminer... Moi, j'aurais pas dit Iniesta non plus. Pour terminer, je disais que c'était, je pense, une phase de transition pour l'Espagne, parce qu'il y a plein de joueurs emblématiques très importants qui ont porté cette équipe d'Espagne pendant très longtemps, qui arrivent vraiment en fin de cycle, les Iniesta, les Busquets, les Piqué même, Ramos ça va pas tarder, il y en a pas mal, et il y a des jeunes qui arrivent qui ont du mal encore à s'imposer, et ce qui m'inquiète surtout, c'est comme vous avez dit sur ce débat où le jeu de possession commence à avoir du mal à s'imposer, à être efficace. On le voit, Real Madrid, c'est pas une équipe de possession, l'Atlético non plus. C'est des équipes qui brillent, mais qui n'ont pas la possession un peu à la barcelonaise qu'il y a eu une époque, et qui a été transmise par l'Espagne pendant quelques années. Et ces jeunes-là, ces joueurs-là qui arrivent en Espagne, sont encore dans cette culture footballistique, quoi. C'est des équipes qui savent jouer qu'en possession. Tu vois, en jeune, en U19, tout ça, c'est des équipes en Espagne que tu vois, les Asensio qui explosent maintenant. Ils sont habitués à avoir les ballons, ces mecs-là. Et ce qui m'inquiète, c'est que sur les prochaines années, ben, les équipes en possession, comme on le voit cette année dans cette Coupe du Monde, c'est des cycles de fond de jeu. Et c'est pour ça qu'à mon avis, j'espère que le cycle va pas durer, parce que cette génération-là d'Espagnols peut avoir du mal à modifier son jeu et à essayer de gagner sur l'équipe d'Espagne, je parle en tout cas. Alex. Mais je pense que le problème, c'est pas le jeu de possession, c'est savoir ce que tu fais de la pelota, tu vois. Parce que c'est mon niveau bilingue. Ok, mais attends, mais on parle de l'Espagne. Tu vas pas me dire à moi que l'Espagne ne sait pas encore faire d'un ballon. Tu m'aurais dit, dis-moi quel joueur espagnol sur le plan offensif va vite. Pour moi, Asensio, c'est pas vite. C'est pas mal, mais c'est pas ce que j'appelle vite. Comparé à Mbappé, c'est sûr qu'il y a non. La vitesse d'exécution. Ouais, la vitesse d'exécution. Moi, je pense qu'ils sont trop lents. Tu vas voir Aspas qui est rapide, qui. Il faut revenir à la philosophie du jeu, en fait. Jordi Alba, ils n'ont pas de numéro 9. Non, ça je suis d'accord. Ça compte. T'as eu plein de très bonnes équipes. C'est un pur neuf. Oui, lui, mais il a plus 20 ans. Il va finir bientôt. T'as eu plein de très bonnes équipes qui ont gagné sans avoir numéro 9. Ouais, enfin, le problème, c'est qu'ils voulaient rentrer avec le ballon dans les buts, les Espagnols. C'est ça le problème. Oui, c'est ça, mais si on s'éparpille, Romain va remettre de l'ordre, mais ouais, c'est vraiment en tout cas intéressant de mettre tous ces aspects en avant. J'essaie d'être un peu conclusif aussi, parce que enfin qu'on parle du reste, je suppose. Oui, mais sur cette équipe d'Espagne, je pense qu'ils ont les joueurs pour proposer vraiment un autre jeu. Là, je te rejoins pas vraiment, c'est Alex. Ça le problème, ouais. Et je pense que il y a des joueurs pour casser les lignes avec des passes et qui a des numéros 9, et que cette année il y avait des joueurs plus tueurs en attaque que cette époque où on a un peu trop joué avec un faux 9. L'Espagne n'a pas l'habitude, ça oui, et donc du coup a peut-être du mal à les mettre en valeur. Et le problème, par exemple, elle a Diego Costa, 109, et elle a su briller sans 9 à l'époque, parce qu'elle a gagné la plupart de ses titres, hormis le début 12. De cette époque dorée avec David Villa et Fernando Torres. Mais moi, quand je vois cette année les choix Aspas, Rodrigo Moreno et Diego Costa, il y avait de quoi faire. Voilà. Mon oncle espagnol, supporter de l'Espagne, il dirait que par contre, Diego Costa, on a du mal à le voir dans le schéma de l'Espagne. Et ça, c'est vrai que s'ils veulent le pérenniser, parce que par contre, il est capable d'être très efficace, il va falloir en tout cas cette Espagne, effectivement, ait une certaine mutation dans son jeu. Après, ils ont de la vitesse. Seul point, c'est plus la philosophie de jeu que je trouve qui contraint ces joueurs. Mais des Aspas, des Rodrigo Moreno, des Isco ou des Asensio, ou encore Lucas Vázquez, qu'on n'a pas vu cette fois-ci, sont des joueurs qui peuvent casser passer les lignes et accélérer largement le jeu. Mais si on va accélérer, ce sont des joueurs moyens bien à confirmer. Le dernier point pour finir ce débat, ce qui est plus maintenant en dehors de l'Espagne, mais sur le jeu de possession, j'espère par contre que les équipes vont être vraiment capables, messieurs derrière, de nous proposer véritablement autre chose pour que notre football de manière plus large ne soit pas trop stéréotypé et trop regroupé vers l'arrière, parce que voilà, enfin j'espère qu'on aura une belle fin de Coupe du Monde, mais c'est beau pour ces équipes, mais Suède, Russie, Angleterre, pour le moment je trouve c'est un peu tristouné quoi, dans la proposition de jeu. Après, ces équipes sont là parce qu'elles le méritent. On va enchaîner parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Malheureusement, on va devoir enlever des choses. Je voulais faire les projections sur les quarts, mais on pourra pas en faire vu qu'il nous reste 2 minutes sur la Coupe du Monde. Merci Romain. Mais on va peut-être parler, justement, on a parlé de l'Angleterre cette fois-ci. On parle du bas de tableau qui est assez vide techniquement chez les favoris. L'Angleterre a-t-elle les épaules pour aller chercher la victoire finale? Oui, mais alors là, mais Maguire derrière les épaules. On va peut-être commencer avec Tim, après il y a Grand Asperge. Non, mais là, si quelqu'un autour de la table me dit oui, je pense que l'Angleterre, ils ont été convaincants qu'ils vont aller chercher la Coupe du Monde, là vraiment, je comprends pas. Parce que par rapport au jeu développé par l'Angleterre, au niveau de vraiment la cohésion de jeu, si on peut parler de fond de jeu au niveau de l'Angleterre, il n'y a rien, je suis désolé. Il y a des joueurs qui sont... je comprends pas trop la cohérence au niveau de la ligne d'attaque et au niveau du milieu de terrain. J'ai l'impression que cette équipe en fait repose sur un joueur, il s'appelle Harry Kane. Ouais, alors ça. D'accord, il a mis 6 buts, mais donc 4... 3 pénaltys et un qui aurait pas dû être accordé. 150 points, mon petit prono. Hein. Ah oui, non, là, par contre, là, je m'incline devant Alex qui d'ailleurs, a bien battu. Il y avait 25 sur Werner alors. Colombie-Angleterre, 65 points. Je pense que là, voilà, ils sont en quart parce qu'ils bénéficient d'un tableau qui leur est avantageux. Ils tombent contre la Colombie qui gagnent au pénalty. Mais pour moi, ils m'ont vraiment pas du tout convaincu et je pense pas qu'ils iront au bout. Je pense qu'ils vont même galérer contre la Suède. Yassine aussi, ouais. Bah, moi, personnellement, je vais même ajouter une chose, c'est que je vois les Suédois éliminer les Anglais, paradoxalement. Je suis d'accord. Parce que je pense que les Anglais, j'ai rien contre eux, mais je trouve qu'ils ne proposent absolument rien. C'est une équipe tactiquement bonne, bien groupée, bien en place, avec des joueurs qui savent ce qu'ils ont à faire. Avec peu de folie non plus, je dirais. Pas de grand gardien. La petite révélation que j'ai bien aimée, c'est le petit Kieran Trippier, qui est pas mauvais du tout. Non, je l'ai pas trouvé mauvais, franchement. Il est pas mauvais par rapport à ce qu'il y a. C'est un grand gardien. Je parle juste de ses performances en Coupe du Monde, évidemment. C'était contre le Panama, la Tunisie, la Colombie, etc. Si lui, c'est ton meilleur joueur, par contre. Non, j'ai pas dit que c'était le meilleur. Non, mais je veux dire. Clairement, mais c'était celui, en tout cas, j'ai trouvé qu'il était pas si mauvais que ça. Après, première ligue, je l'ai pas vu. En effet, une équipe qui repose que sur un attaquant qui a marqué quand même 4 buts sur pénalty, c'est ça? C'est ça. Ouais. Après, vous me direz dans ce genre de compétition, non, dans cette partie non valable. Voilà. Partie de tableau où on sait que hormis la Croatie perce le surnage, est-ce que les Anglais peuvent y aller? Moi, j'y crois pas. Je pense que les Suédois vont les sortir. C'est possible. Ou si c'est pas eux, pour une alléchante Suède Russie. Je n'espère pas ça. Après, oui, on peut le dire. Je pense l'équipe niveau qui a le plus mauvais ratio niveau qualité de joueur et qualité de jeu, quoi. Ouais, je suis désolé, t'as de quoi faire un peu de jeu quand même avec cette équipe là à la base quand même. Après, moi, ce qui me fait un peu marrer, je veux pas dire que c'est une super équipe, attention Timothée, attention. Moi, ce qui me fait un peu marrer avec l'équipe que t'as, bien ce que j'ai dit, droit de la Colombie, ils ont une équipe on va dire moyenne, surtout que t'avais pas Rames hier, mais c'est ça qui a tout changé. S'il y avait Rames, pour moi, il passait, ça aurait tout changé. Tu vois, l'Angleterre, le match qu'ils font hier alors qu'il y a un absent majeur en face, il y a de quoi proposer bien plus quoi avec les joueurs que t'as. Pour moi, c'est déjà inespéré pour les Anglais d'aller en quart. Ah oui, sur ce qu'ils ont proposé, oui. Alex, oui. Ouais, moi je suis d'accord, je pense que la Suède va sortir à l'Angleterre. Je pense que c'est une équipe dont on parle pas. Je pense qu'ils vont aller en demi-finale. Et je pense même qu'ils peuvent aller en finale et voir une surprise au bout. Pour moi, ça va être la révélation de ce mondial. Et 10 euros, je pense que la cote, elle est sur tu peux te gaver, ouais. Surtout avec une attaque comme le monde Winamix. Oui, mais ils ont un vrai collectif et c'est ce qui prime dans le football et dans le sport en général. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je dis juste, c'est que justement, c'est surprenant, mais ça montre que c'est le collectif qui compte le plus et que cette Suède est capable peut-être de faire un de ses meilleurs résultats en Coupe du Monde sans justement. Mais déjà, c'est le cas. On passe le message à Zlatan. Comme Zlatan Ibrahimovic, qui si je peux juste était presque un trop animaux, je prépondérant dans cette équipe et après je pense que on n'en a pas fini avec les surprises. Guillaume, puis Yacine, puis on va finir avec Tim. Ouais, alors je vous trouve extrêmement. Bah, t'es sûr qu'il allait défendre l'Angleterre. Bah, étonnant non, ça. Non, mais franchement, moi, l'Angleterre, je comprends pas cette hype. Le problème en fait avec l'Angleterre, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui la supportent. Ça, je comprends pas parce qu'ils supportent un club anglais. Je suis ton côté, Guillaume. Voilà. Ouais, je suis non, mais d'accord. Par contre, je vous trouve ultra sévère. Ça varie. Il a fait 6 mois à Londres, il se prend pour un anglais. Je vous trouve ultra sévère. C'est juste que je rêve d'un France-Angleterre, c'est pour ça. Est-ce que tu te régales devant l'Angleterre? Est-ce qu'il y a eu un match qui t'a vraiment convaincu? Mais qui se régale dans cette Coupe du Monde sur le jeu d'une équipe à part le Brésil? Par exemple, honnêtement, l'Espagne, ils n'ont pas fait un gros parcours, mais ils m'ont régalé sur le Portugal, par exemple. Ouais, mais t'as vu un match. T'as vu un match où ils t'ont régalé? Non, mais d'accord, mais hier, moi, j'ai bien aimé. Dans la Suède, tu t'es régalé hier aussi? Voilà, c'est ça, la Suède. Moi oui, la Suède, moi oui. Je vous ai trouvé dur collectivement, j'ai trouvé cohérent. C'est cohérent, mais c'est pas beau. Je m'en fous que ce soit pas beau, il y a quand même un encart. D'accord, mais monsieur, sinon on terminera pas. Moi je suis pas pro-anglais ou quoi, mais j'ai envie de voir cette équipe. Déjà, je pense que dans les gros matchs, ils seront. Parce qu'ils ont pas eu de gros matchs. Non, je suis Belgique quand même. C'est équipe ouais, B, c'est un match bizarre. Ouais. C'était pas... Ils ont voulu finir second pour prendre la couronne. Voilà. Southgate était content. C'est un calcul. C'est beau, je suis d'accord. Et j'ai envie de les voir dans un gros match. Alors, je pense pas que ce sera encore contre la Suède parce que ce sera un affrontement physique et un peu idéologique. Mais voilà, la demi-finale contre la Croatie, j'ai envie de la voir. Avant de juger l'Angleterre. J'aimerais avoir un réveil, moi. Yacine, moi, deux choses rapides. Moi, première chose qui me fait rire, c'est que. Après, je sais que l'argument peut un peu prévaloir en faveur des Anglais, c'est qu'on nous dit toujours oui, on prépare ces équipes là pour le futur. Alors par rapport à l'équipe de France par exemple, on me dit ça fait depuis 2012 que j'entends cette équipe de France on la prépare pour l'Euro, puis après pour la Coupe du Monde, puis après pour l'Euro. Au final on va se retrouver en 2030 et on nous expliquera encore une fois on se prépare pour 2032, mais les gars sans déconner, il faut la gagner. Certes Mbappé est très jeune, certes on a une des sélections les plus jeunes, mais c'est pas un argument pour dire qu'on n'est pas en mesure de la chercher cette année. Surtout ça me fait bassement rire, surtout par rapport aux Anglais aussi qui ont une équipe extrêmement jeune. Quand on voit que cette Coupe du Monde réserve beaucoup de surprises et c'est pas fini selon moi, et où le niveau a vraiment baissé au niveau mondial, ouais. Et où le niveau, je pense que la victoire maintenant ne réside plus dans la fantaisie, dans l'aspect technique, etc. Mais c'est vraiment la tactique, la cohérence d'équipe, etc. Vraiment, quand Alex disait que les Suédois, ils les voient aller peut-être en finale, voire peut-être plus, sincèrement, ça me fait du mal de le dire. Mais c'est totalement possible. Et voilà, c'est pour ça que l'argument de la jeunesse, moi, me fait marrer. Si t'es une équipe qui est jeune, mais qui est très tactique, bien cohérente et qui sait où elle veut aller, tu peux aller au bout. Voilà. Cette année, c'est possible. C'est comme ça. Voilà. Ok, très bien. On va finir là-dessus. On a quelques minutes de retard, mais ça va encore. On arrive encore à gérer. C'est la dernière, c'est bon. On va passer à notre deuxième pause musicale. C'est le titre El Presidente et Jazzy Baz. Jazzy Baz. Donc on recommande le clip. Hein. Du sale. Dans ma rue ça part en live, rien que sa money qu'on se tourne. Dans ma rue ça part en live, elle met cette la nuit en sonore. Dans ma rue ça part en live, rien que sa money qu'on se tourne. Dans ma rue ça part en live, elle aime dans un silence de mort. Dans ma rue ça part en live. Grande ville, l'entourage, inutile de te présenter mes frères. Pour être tranquille, j'ai décidé d'uniquement fréquenter des vrais. Je sens que t'es faible quand ta méchanceté se révèle. Je me demande souvent si un xénophobe à l'étranger se déteste. Fais ce que tu veux, mec, tu verras toujours les miens rassemblés. Rien à changer. Ta vie, sincèrement, on en a rien à branler. Tu veux que j'écoute ton rap, mais j'en ai rien à branler. J'ai bien avancé depuis sur la route du 3-14. Bon, même quand j'y crois pas fort, rap conscient et rap hardcore. Selon eux, y'a pas de rapport. Moi, t'as du mal à me caser. Car ta vilaine progéniture. Boulevard de la Villette, gros véhicule. C'est tellement taf, tu m'insultes quand tu me dis que c'est du génie pur. J'décris l'ambiance de la rue avec une rude écriture. Et te mets au chômage, c'est le naufrage. Hommage au sauvage de mon squat. Pourquoi je mettrais de l'eau dans mon vin? J'mets même pas de coca dans mon sky. Hein. Et on arrête pas de rouler. On arrête pas de les cacahuète, tout le monde sait compter, même l'analphabète, on parle à faire. Y'a qu'en cas de perquise que l'argent est jeté par la fenêtre. Faudrait qu'on se mobilise vu l'intérêt que je sollicite. J'essaie de me comporter de manière à apporter du positif. Un instant d'optimisme. Tu mérites pas que je tombe pour homicide, je préfère te pousser au suicide. Pour l'instant je fais du rap, quand je voudrais vraiment faire de la maille, je me lancerai en politique. Leur baratin m'emmerde. Quand je vois que les bédaveurs sont traités comme des assassins en herbe. Pendant que des sénateurs ne prennent pas un enferme. Alors qu'ils magouillent un train d'enfer. À croire que seul le créateur jugera leur pratique incendiaire. Je prive les rappeurs de leur liberté. Tu connais le procédé d'El Presidente, imposant sa souveraineté. Tu peux jouer la carte de l'ancienne, manifester. No es suficiente, siguiente dissidente. On n'arrête pas de rouler, on n'arrête pas de De retour sur Sport et Shield, c'était Jazzy Baz et donc le titre El Presidente. Qui est sorti il y a 10 jours. On passe, avant de passer à notre dernier débat, juste je laisse Guillaume, je lui fais une dernière faveur pour cette dernière émission et bah, tu as donc. Une minute pour donner. Merci beaucoup. Deux petites choses. Brèves. Donc on l'attendait, la décision est tombée. LeBron James rejoint les Los Angeles Lakers pour 4 ans, 154 millions de dollars. Donc ça va, c'est cohérent. C'est un dollar à la seconde. Ouais. Alors il m'a demandé de ne pas réagir, donc je donne mes infos vite fait. Ouais. DeMarcus Cousins qui rejoint aussi les Warriors. Et juste un petit point, il y avait le Grand Prix d'Autriche en F1. Vettel a repris la tête au classement général d'un point vu qu'il a fait troisième et Hamilton a abandonné dans les derniers tours. C'était le point important. Juste, je vois que j'ai encore la minute. Oui. Dire que Ferrari avait repris la tête du championnat. Oui, aussi pareillement. Et Wilder, Joshua, apparemment ça capote, donc c'est pas sûr que ça se fasse cette année. Voilà. Et Rajon Rondo aussi aux Lakers. Et rendez-vous dès septembre ah ouais pour le Golovkin avec LeBron. Canelo qui sera le gros rendez-vous de la rentrée box. Voilà, merci. On passe tout de suite au jingle tennis. Je savais pas ça. Sport and chill, le débat de la semaine. La moitié pas jingle tennis mais jingle débat évidemment. On va passer à Wimbledon qui a commencé depuis dimanche ou lundi. Lundi donc ouais. Après il y avait les qualifications évidemment. Et on va commencer par le WTA, donc les femmes. Et cette question très simple, alors je sais pas si Alep est spécialiste sur herbe ou pas, mais est-ce que Alep peut réussir le doublé après sa victoire à Roland-Garros? Sinon, quels sont les autres favoris pour ce titre? Deux favorite. Bah, écoute, moi quand t'as posé la question, je me suis dit pourquoi il pose cette question, parce que c'est vrai qu'Alep sur gazon, c'est pas trop ça. Bon, elle a fait une demi quand même à Wimbledon. Mais tu regardes le tableau au final. Oui, c'est ouvert, ça. Ouais, c'est exactement. Et quand ça. Tu regardes le tableau, bah, tu Kvitova dis, sortie. Kvitova sortie. Moi je pensais à elle parce que c'est vrai que Elle a gagné Birmingham en plus. Voilà, elle a gagné Birmingham. Elle a gagné deux fois Wimbledon. Ouais. Donc c'était peut-être la joueuse qui mais elle se fait sortir par Sasnovic. Ouais. Sasnovic, c'est ça. Ouais. Qui hormis les sœurs Williams réussit le mieux sur cette surface. Attention, Venus Williams, c'est mon avis. Elle a gagné le match. Ouais. Voilà. Après Venus, bon, je pense que la problématique c'est lié à l'âge. Je pense qu'elle on l'a vu l'année dernière où elle fait un super parcours, elle arrive en finale et elle arrive cramée en finale. Ouais. Et Serena du coup. Oui, là, parce que là tu t'arrêtes en pleine phrase. Excuse-moi, parce que Guillaume me montrait un truc, du coup ça va partir. C'est intéressant. Bravo Guillaume. Désolé, en plus je t'affiche. Bah, Serena va quand même falloir la sortir, je pense. Et Serena, il faudra la sortir effectivement. Enfin, je sais pas combien de titres elle a gagné à Wimbledon, mais bon, 6 ou 7, voilà, un truc comme ça. 7, il me semble. Donc, comme dit Vincent, c'est pas une spécialiste de l'heure, mais c'est vrai que c'est très ouvert cette année. Honnêtement, même Serena. Svitolina sortie, Caro Garcia sortie, Kvitova sortie. C'est l'année pour avoir une surprise au final. C'est un peu pareil pour toutes les épreuves du. Il a perdu Wozniacki. Wozniacki, mais bon, qui a jamais vraiment réussi sur gazon. Donc ouais, c'est. Il est même aussi dans le top 8. Du coup, ça fait 4 membres du top 8 qui sont sortis des premiers tours. Pour trouver le gagnant final dès maintenant, c'est. Franchement, c'est très compliqué. Ouais, Sharapova aussi a perdu. Kristina Medvedevic. Qui a gagné l'année dernière. Elle va défendre son titre ardemment, je pense. C'est possible. Surtout qu'elle a fait un Roland moyen. Donc elle est numéro 3, donc elle aura un tableau favorable. Ouais. Il y a un coup à faire, ouais. Du coup, à l'image de, en fait, des spécialistes gazon qui n'en a pas apparemment, chez les femmes, il n'y a pas de favorite sur ce Wimbledon. Non. Il y en a deux des vraiment spécialistes de gazon. Enfin, c'est difficile d'être spécialiste, mais t'as les sœurs Williams. Il y a Alex qui est spécialiste de gazon. Merci Guillaume. C'est pour cette petite blague, mais personne n'a compris, hein, mais. Oh, aussi. Alex, oui. Oh, oui, il a compris, lui. Ah putain, je vais l'avoir, tu vois. Merci. Ouais, sœurs Williams, ouais. Voilà, les sœurs Williams, après, bon, il y avait Kvitova, mais elle est plus là, donc. Après, voilà, les sœurs Williams, ça va être difficile, enfin, pour Vénus, lié à l'âge, qu'elle puisse enchaîner, ouais. On l'avait vu, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, surtout c'était compliqué. Si elle commence à faire les matchs en 3-7. Voilà, ouais. Et puis pour Serena, bon, bah, elle est toujours en phase de retour malgré tout. Donc bon, c'est aussi difficile que tout à fait. Après, elle a le jeu pour vraiment, elle a cette puissance et sur une surface rapide comme ça, elle est vraiment dure à jouer. Un service puissant. Elle a le jeu pour et puis elle a le nom aussi. Quand oui, t'affrontes peur, ouais. Serena Williams. Voilà, ouais, c'est sûr que t'as un t'es petit complexe de Mladenovic, quoi. Voilà, c'est ça. Puis vu que ça se dépeuple, ça va forcément affronter des joueuses moins ben fortes. Ouais, donc ça peut pour Serena marquer son grand retour, quoi. Ouais, là, par Muguruza et les sœurs Williams, c'est vrai que je vois pas. Et Alep, du coup, je vois pas trop. Muguruza et. Mais qui numéro 3 de 3. Ce tournoi peut aller loin selon vous. Mais Serena Williams, c'est là, bah, c'est Serena, elle, ouais. Retour, elle est tenante du titre, donc voilà, de facto, elle peut aller loin. Elle a des points à défendre. D'accord. Donc, elle était pour toi, de facto. Personne d'autre pour vous? Bah, je sais pas, je vois pas là. Hein. Est-ce que vous pensez que devant son public, Konta pourrait faire un truc ou pas du tout? Manque d'expérience pour moi. Ouais. Oui, bah, après on peut toujours tout imaginer, pourquoi oui, pas. Oui. Elle a fait, je pense, elle a déjà fait des bons parcours, elle a déjà dû faire une demi là-bas. Ouais. Après, enfin, qui aurait dit en 2013, c'était au début du tournoi, que Bartoli gagnerait le tournoi. Ouais, donc, face à Sabine Lisicki qui joue même plus au tennis. Voilà, donc on peut, maintenant, je crois. On peut tout imaginer. Hein. Les deux jouent plus d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. À noter. Après, c'est pas bien de. De descendre Bartoli comme on ça. Va, on va partir chez les hommes parce que je vois que c'est ce que vous attendez. Franchement, il y a eu de telles surprises là que. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a une petite question évidemment sur Roger Federer. Est-ce qu'il est le seul au monde à Wimbledon? Pourquoi Wimbledon? On va peut-être finir avec Vincent plutôt. Moi non. Bah oui, parce que lui il va déblatérer. Voilà. Mais en même temps, il a raison, c'est juste le titre. Moi je peux que comprendre. Alors, évidemment. Roger, peut-être Paul, vas-y, tu peux comprendre. Évidemment, Roger est le favori numéro 1 à Wimbledon. Mais il y en a un qui, pour moi, est en forme sur cette surface-là, c'est Mandzukic. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc, j'attends de voir aussi ses résultats à lui. C'était la finale de l'année dernière, d'ailleurs. Oui. Ouais. Et Coric, qui l'a sorti sur le tournoi de Halle. Coric qui a firsté en 3-7. Il est éliminé. Il est éliminé. Et ben voilà, je suis. C'est Romain qui me. Ouais. Surtout qu'il devait affronter Roger justement. Puis... Ouais, et c'est comme pareil. En général, c'est souvent, quand je dis quelque chose, c'est souvent l'inverse qui se passe. Comme j'avais dit, Gasquet serait la meilleure chance française. Comme pour les femmes d'ailleurs. Voilà. Donc s'il te plaît, ne dis pas que Roger va gagner Wimbledon, s'il te plaît. Voilà. Je pense que Roger va gagner et favori numéro 1. Et il devrait faire assez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'adversaire numéro 1 sur gazon de Roger, c'est pas Rafa. Non, ça c'est sûr, à mon avis. Qui dirait ça parce que. Il y a plus intense, mais à mon avis. J'estimons pas l'espagnol non plus, même s'il a dit qu'il n'est pas super bien préparé pour. Faudra le sortir, ça c'est sûr. Oui, voilà, c'est comme toujours. Je demande à voir face à un, un Gilles Muller ou un qui l'a déjà battu d'ailleurs. Skin. Au prochain tour, c'est un jeu dégueulasse. Ce qui me surprend, c'est que bon, Roger a toujours été très très bon sur gazon, mais j'ai l'impression que plus son jeu évolue à cause de l'âge, bien évidemment, mais je crois que plus son jeu est redoutable sur gazon du coup. Bah oui, bah là, c'est ce qui me rassure. C'est jouer 2-3 coups de raquette, hein, pas plus. Ouais, c'est ça, et ça marche plutôt bien sur gazon, donc c'est ce qui me rassure en me disant que oui, encore une fois, c'est le gros favori pour Wimbledon, quoi. Même s'il y a des, comme vous l'avez dit, des outsiders qui pourraient surprendre, qui pourraient le déranger, je pense que oui. Si Roger est au niveau ça, et c'est dans son ça, jeu c'est jusqu'au sûr. Bout, normalement ça devrait le faire, quoi. Pour moi, il y a vraiment deux adversaires numéro 1 de Roger là sur Wimbledon. J'aurais dit pareil que Paul, j'aurais dit Cilic et j'aurais aussi dit Raonic qui ne joue bien que sur gazon. Parce que ça, il est quasiment imbriquable. Là, il a gagné par exemple sur Milan Jolie sur 3 tie-break, mais il faudra quand même le sortir sur gazon. Après, je pense que. En 3 c'est gagnant contre Roger, normalement Roger doit le croquer. Là il l'a battu à l'année dernière, à Stuttgart. Le problème c'est qu'il risque de s'affronter avec Cilic en 8ème, Raonic. Okay. Donc ça peut être le gros champ des Raonic qui va jouer face au fameux Novak D. De quoi? Je sais pas si vous avez vu qui a battu d'ailleurs C'est pas Novak Djokovic, hein. Voilà, c'était certaines pages qui avaient dit que Lucas Pouille avait perdu Fédération française de la loose. Voilà, pour ne pas la citer. Qui avait perdu la partie en 5-7 face à Novak D. C'était Novak D de Nice. Oui, oui, c'est ça. Oui. Et non pas Novak D. J'ai regardé le match. Je comprends pas. Ouais, bah c'est pas surprenant, quoi. D'ailleurs, justement, sur les Français. Moi, je dirais une petite pièce. Ah oui, sur Roger. Moi, je voulais parler sur Roger. Je ne savais pas. On va regarder son t-shirt. Puis. Il a déjà ce qu'il va dire. Après, nous, un truc qui est pas bien sur lui, vas-y. Justement, ça dépend. Si vous voulez que je fasse mon fan. Sa nouvelle coupe, là. Ça, c'est affreux. Non, la coupe est très belle, mais alors le sofa. Non, quoi, hein. Non, alors pour Roger, bon, je pense que vous avez quand même globalement tout dit. Moi, je mettrais quand même une réserve parce que bon, il faut essayer d'être un petit peu objectif. Ah, facile pour toi. J'ai la réserve que je vais mettre, c'est aussi comme Venus Williams par rapport à son physique. Ouais, c'est le seul point. On l'a vu donc sur les deux tournois de reprise. Deux, Ouais, en finale à Halle, j'ai trouvé émoussé. Hein. Voilà. Et surtout le tournoi de Halle. Donc moi j'ai vu ces deux premiers matchs, donc bon, ça a été deux matchs faciles. Enfin, parce que même contre Kudla, il a eu du mal un peu, je trouve. Non, attendez, les gars, vous pouvez pas comparer Venus Williams à Roger Federer, je suis désolé. Non, et si vous voulez regarder un petit peu Roger depuis un an maintenant, enfin depuis le tournoi de Montréal l'année dernière, il a beaucoup de mal à enchaîner. Mmh. Et sur certains tournois où on l'annonçait favori, notamment à l'US Open, au Masters, il n'a pas réussi à enchaîner Indian Wells, Miami. Donc on voit que ça commence à tirer. Donc sur deux semaines, l'enchaînement des matchs en 3-7, je demande à voir. Donc certes, il s'est vraiment préparé pour ça. Il faut regarder la partie tableau qu'il a. Si tu me dis que Cilic et Raonic s'affrontent déjà, voilà, tout bénef, c'est plutôt bon signe. Après, moi, je pense que Cilic, il sera très costaud. On l'a vu l'année dernière. Il sera meilleur que l'année dernière. Il sera meilleur que l'année dernière. Bon, il y avait eu cette ampoule qui l'a un peu gêné. On l'a vu qu'à l'Open d'Australie, il n'était pas très loin de Roger. Ouais, on voit que quand même Roger avait eu un tableau très facile où il n'avait pas eu de match long, donc il est arrivé franc final. On a vu que ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Et là, c'est pareil. Je pense que Cilic, s'il y a une petite pièce à mettre, ça peut vraiment être sur lui. Je pense que c'est au-delà de Roger, parce que voilà, bon, Roger, bien sûr que j'ai envie qu'il gagne, bien sûr que là, enfin, encore le match qu'il a fait cet après-midi sur certains coups, c'est juste magnifique ce qu'il fait. Et on a envie de le voir gagner. J'ai envie que mon t-shirt soit obsolète dans deux semaines. Mais comme Gasquet d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a pensé de cette performance de Gasquet là? Il a commencé sur Gaël. Regardez là, c'était dimanche, je crois, non? Je refuse que tu répondes à cette question. C'était une horreur. Ouais, forcément. Il nous restera son revers à regarder à Richard. Et c'est ouais, il y a que ça, quoi, de toute façon. Pas le mental, en tout cas. Écoute, ok, on peut. Il y a beaucoup de joueurs qui voulaient parler des Français. Ouais, on peut parler des Français. Peut-être le seul chance, c'est Manarino, non? La nouvelle coupe de père aussi. Non, attention à Gaël. Puis il y a Benoît aussi. Manarino affronte Roger au troisième tour. Le dire, Benoît Paire qui joue bien sur gazon. Très belle coupe Benoît Paire d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu. On s'en fout. On va pas parler coiffure. C'est dans Lidl. Les aspects folkloriques comme ça. Dès que je touche à son Benoît Paire, ça y est. J'adore ma Benoît Paire. Il me ressemble un peu de bonne mentale. Un mec qui a pas de mental. Ouais, tu me fais peut-être Manarino ou Gaël, mon fils. Si je dois choisir entre les deux, qui ira le plus loin? Bon, Vincent nous a dit que Manarino prend Roger au troisième tour. Un huitième. C'est puni, du coup je dirais Gaël. Ouais. J'essaie de regarder Gaël ou jusqu'où. Attends, il y a. T'as Manarino, mon fils. Quand même, attends, t'as Benoît Paire, on a t'as Robert de aussi. Kyrgios quand même, qui est sur Herbe, faudra le sortir. Oui. Après, ouais. Il est dans la partie basse du tableau, je crois. Ouais. Donc dans la demi de Nadal. Mon fils tendra à courir là-haut en 16e de finale. Ouais, ça c'est pas cool. Et prendra peut-être Kevin Anderson en 8e. Ouais, donc ouais. Des géants. Alex m'annonce quand même que la cote de la victoire finale de Cilic à Wimbledon est à 7. Mister Code qui est à côté de nous. Bah écoute, franchement, misez. Hein. Pour les parieurs, on met 10 euros, on risque pas grand chose, je trouve. Ouais, il y a un coup à faire. Si, 10 euros. Bien vu. Monsieur Pragmatisme qui est là. C'est la dèche, hein, ça. Et la cote de Roger, elle a combien comme ça tu cours 2-10 même pas, non. Du coup, bah, là on a un peu parlé de tout. J'allais dire, la prochaine question, c'est qui sont les spécialistes sur herbe à suivre. 2,40. Ouais, on a bien parlé. Est-ce qu'on peut parler, alors là j'en ai sous les on yeux. On peut parler du first de Dimitrov. On aussi, peut parler de. Surprenant. Ouais. Vavrinka, j'y crois pas, moi. Messieurs, Vavrinka, il est en train de perdre 2-7-0. Et on peut parler peut-être de Isner. Là, je suis en train de regarder tête de série. Nick Kyrgios. Alexander Zverev, quoi, personne n'a encore parlé. Zverev, c'est un peu. Peut-être Del Potro aussi. Par sa surface, le gazon. Pour les deux, c'est. Bah pour Del Potro, c'est pas trop sa surface, enfin, ouais. Du moins à ses débuts, mais il a quand même fait des bons résultats. Il fait une demi à Wimbledon, il fait une demi au JO à Londres. Bah, c'est un tel serveur qu'il faut le sortir. Donc, sur le gazon. Voilà, serveur plus coup droit, ça peut faire mal. Pour Zverev, il a le jeu aussi. La problématique, ça va être d'enchaîner. Il a first à Halle contre Coric, justement. Ouais, mais moi je pense que c'est surtout dans l'enchaînement des matchs. Il a jamais joué à un tel niveau de dire demi-finale, finale. Donc, c'est 8ème, il me semble, à Wimbledon. Voilà, c'est 8ème à Wimbledon. Il fait quart cette année à Roland. Il a pas vraiment de référence où il a tapé des mecs. Voilà, enfin Federer, il avait pas plus de référence forcément quand il gagne son premier titre, mais bon, il avait déjà battu des grands joueurs, il avait battu Sampras. Ouais, je suis d'accord. Puis Federer, c'est bien. Voilà, Sampras, Zverev, pardon, bah. Ouh là, la comparaison est dure. Hein. Là, c'est dur. Excusez-moi, monsieur Pitt. Bon, là, il va venir. Là. Ouais, pour Zverev, il a pas assez de références, il a pas assez battu de grands joueurs en 3-7. Il lui faudra du temps avant d'arriver à ce niveau. Finalement, le tournoi est ouvert, finalement. Ah oui, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, au final. Des deux côtés, d'ailleurs, quasiment. Mais moi, je pense que c'est surtout en haut que ça va jouer. Enfin, Raonic, Cilic et Roger, je pense que le vainqueur. Justement, est-ce qu'il y a des joueurs, selon vous, alors peut-être qu'ils n'iront pas au bout, hein, ça me semblait évident, mais qui sont spécialistes sur herbe et qui sont difficiles de déloger. J'en ai un, c'est Kyrgios. Kyrgios qui a fait un très bon tournoi du Queen's avant, il perd contre Cilic, justement. Difficilement, et il bat Andy Murray qui d'ailleurs revient à un niveau pas trop mal, bon là qui est forfait, mais sur gazon en 3-7 gagnant, Nick Kyrgios, j'aimerais pas le jouer. Ouais, il est compliqué à jouer. J'aimerais pas l'adversaire qui va le jouer, c'est peut-être d'autres après ça dépend après. Pas inquiet, Nishikori déteste le gazon. Ouais. Ça dépend ce que t'appelles un spécialiste de gazon, parce que tous les noms qu'on cite depuis tout à l'heure, malheureusement, ils le sont plus trop. Ouais. Enfin, pour moi, un spécialiste de gazon, mais c'est quelqu'un qui ne vont pas aller au bout, mais qui va être difficile à battre. Ouais. Peut-être en 5-7 pour les J'avais envie de te dire Michel Zverev, mais il a été sorti. Oui. Par Herbert ou un 3-7. Herbert, pourquoi pas, parce qu'il a d'ailleurs, c'est un très bon joueur qui va souvent à la volée. C'est la surface de prédilection. Il faut le Herbert au final, à ce moment-là, ouais. Mais des spécialistes, des spécialistes de gazon, t'en as de moins en moins. T'en as pas. Et enfin, même Kyrgios, Raonic, tout ça, ça en est pas parce que les mecs ils montent pas à la volée, ils font pas de chip, ils font pas des chip and charge. Donc, voilà, ouais, c'est sûr, c'est pas vraiment les spécialistes à proprement parler, mais comme dit Flo, c'est des mecs qui vont être quand même être durs à sortir sur cette surface. Ah oui, ah, mais ça c'est sûr. Par exemple, un Kyrgios sur terre battue, bon bah voilà, t'as tes chances quoi. Oui. Si t'as un gros limer, t'as des chances. Yacine, peut-être tu voulais réagir. Je veux juste dire que par rapport à Herbert, il risque de croiser, je crois, avec Nadal. Oui. Oui, parce que justement, Micha Zverev qui devait prendre Nadal au troisième tour, et vu d'accord. qu'il a battu, effectivement, ils pourraient s'affronter au troisième tour tous les deux. Et un dernier qu'on n'a pas parlé, donc peut-être vous voulez pas en parler, mais un certain Novak Djokovic, est-ce qu'il peut aller loin dans cette compétition? Oula, j'y crois pas, quoi. Bah, si ouais, on l'a oublié, ça veut dire quelque chose, non hein. Il joue contre Zébaïos, il joue contre Zébaïos et peut prendre Edmund en 16ème. Ça peut passer, mais t'as un bon joueur de. Il a un bon tableau. Pour l'instant, oui, pour la Jukanka, tu me dis qu'il a un très bon tableau. C'est Kylian Mood en 8ème. Kylian Mood en 16ème et en 8ème, Team est retiré. Donc ça serait soit Bagdatis, soit Karchanov, soit Bento, soit Tchafoué. Djokovic, Karchanov sur Herbe, je demande à voir. Hein. Ouais, ça sera sérieux. Ouais. Ça sera tous les matchs seront durs, à mon avis, pour lui. Là. Après, Djokovic, le problème, c'est qu'il a le jeu, je pense. Pour, il a gagné deux fois Wimbledon d'affilée, il en a gagné un troisième il y a plus longtemps. Mais dans la forme qu'il est là, il me fait peine à voir. Le problème, c'est sa forme. Est-ce qu'il va retrouver. Alors, pourtant, parce j'apprécie, mais. Quand il a gagné ses deux titres face à. Si c'est un goût sur herbe, c'est qu'il n'est pas complètement revenu, quoi. Quand il gagne ses deux titres à Wimbledon en 2014 et en 2015, c'est vraiment devenu un joueur complet et surtout un très bon joueur de gazon. Par exemple, on voit que sa première force sur cette période-là, et c'était totalement différent de sa première période quand il était jeune et qu'il a gagné ses premiers titres, c'était son service. Et Boris Becker lui a vraiment apporter ça. Est-ce qu'il arrivera à recréer tout ça pour dire je vais au bout de Wimbledon? Je pense que c'est un peu tôt. S'il y revient, il faudra du temps, à mon avis. Mais voilà. Mais après, voilà, s'il avance et qu'il retrouve la confiance, et ça peut. Oui, c'est possible. Si les types, en gros, ils sont en train de se. Oui, si tout le monde se délite dans la partie tableau, il a ses chances, mais. Si tu me dis qu'il a l'opportunité de jouer, enfin plutôt la malchance de jouer un Kylian Moon ou voir un Karchanov sur herbe. Kylian Moon, il est plus spécialiste de terre battue. Ouais, donc, ouais, parce qu'il a plus de temps pour armer son bon coup droit. Mais il aura le public avec lui, donc voilà. Mais... Enfin, il va être chiant à sortir Kylian Moon. Clairement, surtout sur Djokovic là. Ouais. Ok, plus personne à rajouter sur Wimbledon. Bah juste qu'il faudra faire le choix entre la finale du mondial et la finale de Wimbledon. Ouais, non, là par contre, je pense que le choix est vite fait de Wimbledon. De maintenir l'horaire de la finale de Wimbledon. Comment? Pourquoi? C'est une blague du coup? Non, non. Bah non, je pense que c'est un moment de contradiction au mondial. Vous voulez jouer au Radel Tennis? Bah, deux heures plus tard ou deux heures plus tôt. Le France, après, on les connaît, c'est la tradition. Deux heures plus tôt, ça veut dire que tu fais jouer une finale de Grand Chelem à midi? Bah, je préfère la faire jouer à midi qu'en même temps que la finale de la Coupe du Monde, je trouve ça plus objectif. Mais je pense qu'ils veulent mettre un pied de nez à la hype mondiale, eux ils veulent se démarquer en disant c'est tennis. Écoutez, bravo Wimbledon. Non, bah, pas du tout d'accord, je pense que c'est un entêtement, machin, le tournoi le plus prestigieux chaque année, je pense que c'est juste ça. Bah oui. Oui, c'est ça, ils ont des leçons à recevoir de personne. Mais la tradition dépasse l'objectivité dans ce cas-là. Mais pourquoi? Le problème c'est que tu étais face à le plus grand événement sportif, deuxième plus grand apparemment après le Super Bowl, donc ça veut dire qu'en termes d'audience tu vas perdre. JO, admettons. Ouais, mais tu vas quand même perdre une énorme part d'audience. Non, mais alors dans ces cas-là, ça pourrait jouer la finale à 7h comme ça. Mais toujours plus. Deux heures plus tard, est-ce que ça dérange les joueurs? Non. Deux heures plus tard. Donc oui. Tu l'as fait commencer en même temps que la finale de la Coupe du Monde. C'est à 15h là, Wimbledon, non? Oui, c'est à 15h et 17h la finale. C'est à 18h la finale de rugby. De. Coupe du Monde de foot, pardon. Donc de, si tu l'as. Mondial. Le problème c'est que Wimbledon s'en fout. Elle est 1h plus tard, il me semble, la finale de Coupe du Monde. Wimbledon s'entête dans sa tradition, qui est une tradition qu'ils veulent respecter. Le problème c'est que c'est même. Pour les auditeurs, les téléspectateurs, que ça gêne le plus, puisque les téléspectateurs, il y en a peut-être plus de la moitié qui choisiront plus de regarder le foot que. Ça paraît. Et c'est logique, pas grave, mais... et puis l'année prochaine, les gens regarderont le tennis. Oui, c'est voilà, c'est. Ok, bon, on va terminer là-dessus. Moi, je pense être le seul dans cette salle que si Roger Federer est en finale de Wimbledon, je regarderai la finale de Wimbledon, quoi qu'il arrive. Mais on reste comme ça alors. Au lieu de l'équipe de France? Ah oui. Impeccable. J'ai pas peur de le dire. Bon, il n'y aura pas la France en finale, de toute façon, donc bon, on s'en fout. On va continuer avec ce que vous attendez tous, ce que vous redoutez tous. Calme-toi, s'il te plaît. Et je vais vous laisser vous installer. Et nous, on va faire le jingle quiz. Sport and chill. Le quiz. Avec moi, c'est vrai. Alors, messieurs, on a l'antenne, donc prenez une chaise, mettez-vous ensemble. Je vous rappelle les équipes, nous sommes 8 ce soir, donc il y a Alex avec Yas, Romain avec Vincent. Je vais mettre un point direct pour le duo infernal. Merci. Team justement avec Guillaume Bialès, pénalité, tu veux dire. Et Guillaume Laval avec Paul. J'explique un peu ce qui va se passer ce soir. Yacine, tu vas se décaler parce que sinon il va avoir les questions. Vite fait, mon Yacine. Hein. Ce soir, donc il y a plusieurs questions sur la Coupe du Monde. Il y a 7 points à prendre, 6 points à prendre sur le Tour de France et 6 points à prendre sur Wimbledon. Voilà. Ou 7 points à prendre sur Wimbledon. Voilà. Ah, c'est bon. D'accord. Attends, parce que moi j'ai pas Romain donc. Moi aussi. Il y a un invité pour le quiz, oui. Effectivement, il y a un invité pour le quiz. Philippe Sorel qui débarque en salle. Un certain Kevin. Il y avait plus de Kevin. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Kevin. Voilà, ça va. On l'a pas eu au téléphone tout à l'heure, d'ailleurs, tiens. Je me suis dit pour la dernière, je vais les appeler, je vais débarquer à l'improviste. Les larmes. L'émotion. Comme dirait l'émotion de l'ancien animateur chouchou, voilà. De cette émission. J'arrive au bon moment, j'arrive pour le quiz, c'est ça. Ouais, par contre, tu me prends de court. Il y a peut-être Alex qui va jouer avec toi. Non, c'est bon, c'est à Marseille. Parfait. Si je joue avec Alex, on joue la gagne. Mais il va falloir prendre un autre micro ou se le partager en tout cas. Doublette pour le Grand Prix de la Marseillaise. Ouais. Allez, on va commencer. Je vais noter les nouveaux participants. Avec Alex. Du coup, la rentrée de Alex. Avec Kevin. Je vais appeler mon père pour qu'il joue aussi. Faut pas lier, ouais. Bonsoir. Allez, on va commencer. On reste discipliné, messieurs. Le quiz Coupe du Monde, faites gaffe à votre micro. Ah, deux concurrents moins, c'est bien. Allez, on va commencer avec la Coupe du Monde donc, et ça va être une question rapidité. Donc n'hésitez pas. Il y en a qu'un dans l'équipe qui peut répondre. Choisissez tout de suite. Guillaume. Guillaume. C'est moi le plus charismatique. Putain, j'allais la faire. C'est puni, mon team. Alex, c'est Kevin qui prend la main. Il me dit. Il y a Kevin qui prend la main. Il y a Guillaume pour un champion. Il y a l'autre Guillaume aussi. Il y a Romain et il y a Yacine. Ah, je suis déçu. Après la défaite contre la Corée du Sud 2-0 et donc l'élimination de la Mannschaft, quel joueur allemand a dit, même à l'entraînement, c'était laborieux? Thomas Müller. Non. Hummels. Kroos. Toni Kroos. Non. Sami Khedira. Non. Boateng. Ta gueule, Kéké. Alors, donc. Oui, bonjour. Timo Werner. Manuel Neuer. Timo Werner. Non, j'ai toujours pas. Mesut Özil. Alaba. Boateng. Neuer. À là-bas, il est autrichien, je sais pas qui est-ce qui a répondu. Elle est belle à là-bas. Kimmich. Bonjour le second degré. Non, hein. J'ai toujours pas entendu. Ouais. Du moins ce que je. Reus. Un joueur. Kevin Trapp. C'est un joueur. Non. Goretzka. Mario Gomez. Non. Jonas Hector. Non, il est connu. Hein. Gundogan. Draxler. Ozil. Qui c'est qui est Draxler? C'est moi. Ah, on l'avait pas encore. Yacine qui marque un point avec Alex. Là, on avait quasiment donné tout pour Draxler. Attention, ne pas toucher au micro, s'il vous plaît, les gars. C'est bon, Yacine. Tour de table. Je le savais, moi. Mais tour je de pas table. Le dire. En 48 matchs, donc les phases de poule, hein, on parle. Combien de fois les arbitres se sont-ils déplacés pour consulter la VAR? 20 fois. 3. 17. En tour de table, déjà. Messieurs, attends. Écoutez bien, s'il vous plaît. Du coup, tu ouais, commences ça, du je, côté. Je peux répondre, je le sais. Commence en premier, vas-y. Ah, mais il a internet. Vas-y, Kevin. Mais bah oui, regarde. 14 fois. 14 fois. Moi, je dis 17. Bizarrement, hein, tout 17. Suivant. 17. Non, c'est. 14 pour moi. 14, il suit. Non, pour moi, il le sait, c'est 14. Ah, attention, attention le bluff. Hein. Début de la Coupe du Monde. Ah non, mais j'ai pas dit que j'étais certain. Sur 48 matchs. Ouais, ah, je crois que c'est 17 en fait. Ah, Guillaume a dit 17. Il a vérifié entre temps, tu sais. Il est tellement dans les chiffres, c'est réglé. Alors, est-ce que tu peux répéter la question? J'ai écrit un article dessus, merde. Messieurs, je pense qu'il faut soyez très compréhensifs ce soir parce qu'on en a beaucoup de monde. Je répète une dernière fois la question. En 48 matchs, combien de fois les arbitres se sont déplacés, attention, pour consulter la VAR? Donc là, il y a eu 17. C'est 17 fois. 17 fois pour Kéké, 17 ici. Oui. Ah putain, là-bas, il y a Romain, il y avait quoi? Attends, Kéké, je te dis, j'avais dit 14. Ouais, moi, j'avais pas le droit de changer, c'est pas sport. 14. C'est 14, sûr, ouais. Mais je pense que c'est 17. Guillaume. Oui, je fais confiance. On est fair play, on est pas anglais. Dépêche-toi, sinon je peux compter le point. 32 fois. 32 fois non. Sur 48 matchs, d'accord. C'est fou, toi. J'ai même peur que Guillaume ait raison, donc on va dire 17. 17 fois, je vais mettre point à ceux qui ont dit 17 parce que c'était 20 fois. J'avais dit 20 sur... Ouais, bah. Mais après, avant d'avoir confirmé. Du coup, il y a. Choqué. Il y a Alex Keke, il y a... Tu as dit 17 aussi. Ici, un point. Et qui c'est qui a dit 17, 17 aussi là-bas? Non, Yacine aussi. Il y en a 3 qui ont dit 17. 3 doublettes. Après, t'en ajoutes 12 et ça fait 32 pour... Ouais. Ah oui. C'est pas si loin finalement. On a un game en maths, t'es pas très bon. On continue. Rapidité. Ouais, rapidité. Avant Harry Kane contre le Panama, quel était le dernier attaquant anglais à avoir inscrit un triplé en Coupe du Monde? Owen, non. Gary Lineker, point. Et pour ouais. Yacine, en 1986 contre la Pologne. Rapidité, là, ça va être très rapide, une question très facile. Quelle est la seule équipe à n'avoir encaissé aucun but en phase de poule? L'Uruguay. Point pour Yacine. Rapide, rapide, on finit pas les questions aussi. Ouais. C'est question pour un champion, les gars. Désolé. Rapidité toujours. En plus, je tiens à dire qu'il y a le décalage avec le téléphone. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Un bon Marseillais entre les deux. On finit la question quand même. Rapidité également. Qu'est-ce qu'a fait le Sir Walter Pubb? Il a offert une pente à chaque fois qu'il est tombé. Ah, point ici et ici, donc ça, ouais. Bien joué. Point pour Tim et pour le duo Guillaume-Paul. Un bar paye sa tournée à chaque plongeon de Neymar. Donc, hier, mon avis, apparemment, dans le bar est tombé en faillite depuis. C'est au Brésil. Ça coule à flot là. C'est au Brésil. Ouais. Oui, j'ai dit quoi? Non, c'est ça. C'est juste, ça s'appelle Sir Walter Pubb. Du coup, je confirme. C'est vrai que le nom. Rapidité également. Si je vous dis Daniel Arzani et Essam El Azari. Plus jeune joueur de la Coupe du Monde. Et plus vieux de la Coupe du Monde. Non, Arzani c'est le plus jeune de la Coupe du Monde. C'est le joueur australien, c'est ça? Arbitre iranien? Australien, Arzani. Arbitre iranien? T'as dit quoi? Plus jeune et plus vieux. Plus jeune et plus vieux. Plus jeune et plus vieux. Je vais mettre un point au chaque. Plus jeune. Arzari, c'est pas le gardien. Plus jeune, Daniel Arzani. Arzani c'est le joueur australien. Messieurs, s'il vous plaît. Daniel Arzari, australien, qui a 19 ans. Et Essam El Azari, qui est le gardien, je crois, de l'Égypte. Qui a 45 ans. Parce que j'avais pas entendu l'anglais, Adari. Ah, messieurs, il faut écouter. Parce que là, la situation marocaine n'est pas encore. Nous, on l'a entendu. Égyptienne. Guillaume pour l'autre. Heureusement, je suis là, Guillaume. Alex a donné un peu des réponses, des bonnes réponses ou pas du tout. Mais normalement, c'est toi, Alex, tu peux confiance. Il boit son Ricard là, juste. Alors hein. Tu consultes internet. Alors, rapidité, avec modération. Ouais. Rapidité sur une anecdote. Si je vous dis le nombre, du coup, de 1238 km, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Le nombre de kilomètres par contre, chacun son tour. Toutes les équipes depuis le début de la Coupe du Monde. Non. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Parcouru par là aussi depuis le début. La distance entre Moscou. C'est une anecdote insolite. Ah oui, le nombre de kilomètres réalisé par. Romain, tu t'es premier à parler. C'est le nombre de kilomètres qu'ont fait les Islandais pour venir voir. C'est pas ça. Chez Kanak. En bateau. Yacine. C'était bien tenté, il y avait de l'idée. J'allais dire oui, c'est en vélo par un Indien qui est venu. Non plus. Non plus. C'est le nombre de kilomètres qu'a fait un vélo Kéké. Putain, j'allais dire. C'est un Suisse. C'est ma dernière sortie vélo là ce week-end. Okay. Ouais, on s'en fout. Alors donc, il y a si, c'est pas un qui a fait l'aller-retour pour parce que sa femme allait accoucher. Non, non du tout. Personne ne le sait. Je pense que c'est des Suisses. Non, ouais, personne ne le sait. Personne ne le sait. Okay, bon. Yes. C'est des supporters suisses qui se sont trompés de ville en confondant Rostov Veliki et Rostov sur le Don, qui accueille le match du mondial. Ils ont réservé donc un hôtel dans la mauvaise ville à 1283 km de la ville qui accueille le match Suisse-Brésil. Ah, dommage. On passe pour le bonheur de Tim et Guillaume au quiz Tour de France 2018. Ah, voilà, bon, c'est bon, on peut aller boire. On va se réveiller parce que là je dors un peu. On a une team. Rapidité. Ouais, on fait un perfect là. Quelle est la nouveauté dans ce peloton du Tour de France cette année? Il y a 8 coureurs, 8 coureurs par équipe. Il y a des mecs à vélo. Il y a des mecs pas dopés. Alors, point pour Paul. Point pour Paul qui était le plus rapide. Se tient bien, Tim. La blague là. Oui, la mauvaise scène là. Ah, il sourit jaune. Tour de table, et pas Tour de France. Excellent. Le Tour reste uniquement en France cette année. Depuis quelle année le Tour n'était pas resté exclusivement dans l'Hexagone? 2011. Qui c'est qui a commencé? C'est moi qui l'ai dit. Alex, 2011, donc Kéké, je suis désolé, tu dis 2011. Fini. À moins que t'en avais un autre. Je lui fais totalement confiance. Totalement confiance. Tu devrais pas. Les spécialistes tennis, Tim et Guillaume. On va dire 2002, je pense. 2002. Ouais, moi aussi, je pense bien 2002, là. Tu vois, je le sens bien. Romain et Vincent. Attends, réfléchis un peu. Romain et Vincent. Nous, on a. Il n'y a pas à réfléchir, c'est 2002. Non, mais allez-y. Non, vous l'honneur, vous êtes avant. Romain, allez, dépêchez-vous, Romain et Vincent. Chiffonnier, là. Vraiment, j'ai pas, donc... Romain, tu nous déçois. Dépêchez-vous, les messieurs. Mais c'est mettre un point de pénalité, ça. Je vais mettre un point de pénalité. Allez, hein. Je vais dire, je sais pas, 2010. Mais genre, non, je dis, on savait, mais pas trop en fait. 2013. Parce 2013. Que le départ, le Tour de France est parti de Corse. Ouais. Non, et du coup, c'est une bonne logique. C'est, logique. Ouais, mais c'est ce qu'on s'était dit, mais exclusivement rester en France, je pense. Sauf que Pyrénées, par exemple, une connerie comme ça. On allait dire 2010, on dit 2010 aussi. Parce que la Corse, c'est la France. Bah, la logique est très bonne puisque c'est 2013. En effet, ouais, j'ai bien vérifié et c'est exclusivement France à part de Corse. C'est pas la France. On rappelle aux Corses que la Corse est en France. Vous voulez continuer tôt ? Oui. Je vais pas me faire des amis. Ça va être très. Bon, non, c'est le tour de table, mais ça devrait être facile. Avec Vincent, on espère s'éveiller avant la fin. 17ème étape va sûrement être très intéressante car elle est très courte. C'est rare pour un Tour de France, sans compter le contre-la-montre, évidemment. Combien de kilomètres vont-ils parcourir ce jour-là ? 65. 62,4. 60. Mettez-vous d'accord. Kéké, tu commences ? Ouais, moi je dis 65, si Alex est d'accord. 65, si Alex me dit 69, lui. Bah, je sais pas Alex est d'accord. À ma gauche, il y a 63. 65. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission. Ouais. 62. 62. Ouais, j'aurais dit 62. 65. 65. C'est 65 en effet. Yes. Est-ce qu'il y a une virgule ou pas ? Non, 65 km. Je suis désolé. Arrondi. Qui c'est qui avait dit 65 à part moi et. Ouais, bien sûr. Alex et moi, Alex. Et ouais, non, ça je me rappelle. Ouais, pas que vous. Ils sont 9. C'est d'ailleurs 65 km entre Bagnères-de-Luchon et Col du Porté, qui est considéré comme le nouveau Tourmalet. En parlant de Bagnères-de-Luchon, c'est la troisième ville dans l'histoire du Tour où on passe le plus, sans Paris évidemment. Ouais. Combien de fois entre 1908 et 2018 est-on passé par Bagnères-de-Luchon ? Donc dans les 100 dernières années, combien de fois on est parlé ? On va commencer avec Guillaume et Tim. Vas-y, Sur 100 fois. 100 fois, allez, je vais dire 50. 50 fois. Non plus ? Allez, non, allez, 70 fois. 70 fois ? Non, allez, 85. 129. 110, c'est bien, c'est un bon chiffre. 70 ? J'aurais dit beaucoup moins, mais on va dire 70. Kéké, tu peux répondre ou Alex ? Moi, à mon avis, Alex doit le savoir, ça, donc je. Alex doit le savoir. Alex doit le savoir, ouais. 38. 38. Attends, j'ai pas une certitude, c'est passage, j'ai pas été attentif. Passage ou ville-étape ? Ça y est, l'autre puriste. Il a raison. Il a raison, c'est ville-étape et ville de départ. Ah, bah ça change, mais voilà. Je savais pas, moi, ça. Ville de départ et ville d'arrivée. Je dis 40 alors. Ville-étape. Je dis 40 alors. Ville-étape. Ville-étape, c'est départ et arrivée. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Ah, ouais, mais là, ta question est faussée. On l'annule. Je suis désolé, on l'annule. Comme par hasard, on peut dire passer. On va dire passer parce que ça me. Allez, je dis 40 alors. Ça me paraît. Ouais, je dis là quand même, au cas où on a dit 37. Ça me paraît pour moi beaucoup quand même. 70 alors. Enfin, non, ça me paraît beaucoup, mais après, tout est relatif. 37 fois, on a dit. Moi, je dis 39. 39. 37. 37. Les derniers. Yacine. Je pensais moi au début. T'avais dit combien, Kéké, au juste ? On a dit 38. 38. Okay. Alex, bon, il m'a donné un nombre que j'estime vraisemblable. Donc, on va dire 42. Point pour Yacine. C'est 49 fois où ils sont passés entre Bagnères de Luchon et. Ouais, Bagnères de Luchon. Bah si. Donc point pour Yacine. C'est nous alors qu'on a mis 110. À vérifier, mais à mon avis, juste ça doit être passage parce que ville étape ou ville arrivée, ça c'est passage, ouais. Attends, il y a quand même eu beaucoup, un paquet d'étapes à Bagnères de Luchon. Messieurs, ouais. Oui, bref, pardon Florian, vas-y. Contre, il y a un bon PMU là-bas. Rapidité, c'était la troisième donc ville qui sont passées, donc qui sont les deux premiers ? Pau et Paris. Pau, oui, Paris. Sans compter Paris. Pau, il y a point pour Kéké et Vincent. Narbonne. Bordeaux. Et Guillaume, il a dit aussi. Hein. Et Guillaume. Bien joué, Alex, bien joué. Merci. L'Alpe d'Huez. Non. Carcassonne. Non. Narbonne. Nîmes. Pas très loin de. Enfin, pas très loin. Tout est relatif. Tarbes. De Pau. Mio. Marne. Ah, de Pau. Biarritz. Montauban. Bagnères de Bigorre. Toulouse. La Martinique. Tarbes. Lourdes. La Mongie. J'essaie d'écouter tout, hein, mais non, j'entends. C'est la Rissoulan. Clairement, l'Hérault. Tourmalet. Est-ce que c'est la Tunisie ? Attention, c'est une grosse ville. Ah, Sussargues. Sussargues. Bayonne. Agen. Tu le sais. Perpignan. Foix. Bordeaux. Bordeaux. Ah non, je l'ai dit au tout début. J'ai dit Pau et Bordeaux. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour moi. C'est pas ce qui m'a dit. Ne vous inquiétez pas, je ne peux pas tout entendre. Qui filme tout me dit que je l'ai bien dit. Guillaume et Tim n'étaient pas loin avec Sussargues. Messieurs, dernière question, Tour de France. Ah, et tour de table encore. Si vous êtes donc une ville qui veut accueillir le départ et l'arrivée, attention, le départ et l'arrivée, d'une étape, Combien devrez-vous donner aux organisateurs du Tour de France, sans compter les travaux et les voiries, etc. C'est bon, je l'ai. 1 euro symbolique. 1 euro symbolique. Ouais, c'est ça. Kéké ou Alex. 1 euro symbolique. En euro, en ancien franc. En euro, évidemment. Kéké, 110 000 euros. 110 000. Pour toi, ça te paraît correct? 110 000 euros. Moi, sérieusement, Flo. Oui. 150 000, moi, je dis. 150 000. Vas-y, Romain en face, Romain et Vincent. On dit 200 000. 200 000. 200 000, 1. C'est moi qui dis 220 000. 220 000. 230 000. 230 000. Qui dit mieux? Point pour Guillaume et Tim. Olé. Avec 160 000. Putain, je vais chercher au mental, ça là. Réponse au Tour de France, c'est bon. Je savais, je faisais 100 000 pour une arrivée et 60 000 pour un départ. Voilà. Ouais, c'est ce que j'avais calculé. J'ai voulu mettre une dernière. Mais attends, mais moi, du coup, je comptais que la ville départ là. Oui. J'ai pas aussi. Marchant de tapis là. Écoute, faire un professeur pour faire les questions. Je donne un dernier point pour le Tour de France, je suis sympa. On a parlé de Chris Froome. Symbole. Combien de fois a-t-il gagné d'étapes? On va faire un tour d'étapes. Combien de fois a-t-il gagné d'étapes? En vélo ou en moto? Dopé ou pas dopé? Bon, ça, pas de question. Guillaume et Paul commencent en premier. Oui. Je dirais 7-8 étapes. Il y a les contre-la-montre par équipe. Non, je compte pas les tous sous seul. Tout seul. D'accord. Tu comptes contre-la-montre ou pas? J'ai 7 ou 8. Oui. Il a pas gagné contre-la-montre, je crois. 7. Ouais. Non, moi j'irais plus. Chaque fois, il gagne au moins une étape. Allez, messieurs. Pas l'année dernière. Ouais, pas l'année dernière. C'est le pire. 7. Ok. 7. Yacine Alex. Yacine Alex. 10. Guillaume et Tim. 8. 9. Est-ce que ça te va, Kaké? 9. Oui. Une. Allez, 9, c'est bon. Il connaît rien, de toute façon. On venait de faire notre compte, mais on n'a aucune certitude. On va rester là-dessus sur 9. Ouais, j'aurais 7 étapes. 7 étapes. 7 étapes. Bien joué, Guillaume. Bravo, merci. Allez, quiz Wimbledon, 7 derniers points. Il était temps. Rapidité. Si je vous dis Doudy Sella, Simone Bolelli ou Bernard Tomic, quel est le rapport? Ils sont tous très jeunes. Non. Ils sont tous des joueurs de tennis. Ils sont tous qualifiés en quart de finale. Ils ont fait 8e de finale à Wimbledon. Wildcard? Non. Ils ont un Roger à une main? Lucky loser. De quoi, Kéké? Bah non, Bernard Tomic. Ils sont gauchers. Non. Pour ça? Pas très loin de Yacine, la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit, Yacine? De quoi? Ils ont été invités. Non. C'est des lucky losers qui ont passé un tour. Je l'ai dit. C'est des lucky winners. Lucky winner. J'ai dit lucky loser en premier en plus. C'est des lucky winners, ouais. Parce que lucky winner, c'est ce qu'ils sont par rapport à des forfaits. Je confonds l'anglais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est lucky winner suite aux blessures de Berdych, par exemple, Rublev ou encore Andy Murray. Andy Murray, pardon. Mais Stéphane Robert aussi, t'avais été, non? Ouais. Lucky winner. Ouais, c'est, oui, ouais, mais j'ai cité certains. Wildcard, Stéphane Robert. Oui, non, mais en général. Non, ouais, Wildcard. Robert, il a passé les qualifs. Allez, on continue. J'ai été. On va faire un tour de table. Dans les 32 têtes de série de ce Wimbledon chez les hommes, quel est le pays qu'il possède le plus de représentants? On va commencer avec... je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Quel est le pays qui a le plus de représentants? Donc de pays, le pays représenté. Attends, Flo, confondu homme-femme ou... Homme seulement. Attention. 32 têtes de série, donc les 32 meilleurs de ce tournoi. Attention, je vais bientôt commencer. Je vous laisse un petit peu réfléchir pendant que moi je me fais piquer par des moustiques. Je précise que ce sont bien les têtes de série. Têtes de série, les 32. Allez, je vais commencer le pays que je veux. On va commencer avec Romain et Vincent. Attends. Ouais, Romain. Non, mais vous avez toujours pas commencé, vous avez commencé pour vous. Edmund, non. Non, c'est une question très intéressante. C'est très intéressant. Bah, je te remercie parce qu'on essaie de combler, mais évidemment, je laisse encore un peu de temps à Vincent et Romain. Ah oui, il reste encore 11 000 dans cette émission, donc tout va bien. Ouais. Moi, je dirais États-Unis. À l'époque, le quiz était mieux tenu quand même. Parce qu'il fallait. États-Unis, bah d'ailleurs, Kéké, toi qui parles, tu peux parler. À vous de parler, monsieur. Ouais. Je dirais la France. Allez. États-Unis, France. Belle. C'est possible. Hein. Guillaume et Paul. On dirait l'Espagne. Espagne. Allez. Yacine et France. France aussi. France. On dirait les élections des JO. Croatie, nous, on va dire. Non, mais c'est possible, hein, avec Sylvie. Ouais. Bah, t'es quelque part que si on a réfléchi. Tout le monde a un point, sauf Tim et Guillaume. Croatie n'y est pas. Yes. Et tous les autres ont un point. Parce que je vous explique. Attendez. Je mets un point à tout le monde. La France en a 3 avec Puig, Manarino et Gasquet. Les USA en ont 3 avec Kerry, Isner et Sock. Ah, okay. Les Espagnols en ont 3 avec Nadal, Carreno, Busta et Verdasco. Si vous me trouvez le dernier, je vous donne un point. L'Argentine. Argentine, point. ce que je t'avais dit, pour... j'hésitais avec le Yacine avec dit aussi. Croatie 2 du coup. Delpo, Schwartzmann et Maillard. J'hésitais avec Schwartzmann. Schwartzmann et Maillard est dernier d'ailleurs, 32ème. Attention. On est à 2. Rapidité, quelle est la nouveauté du tournoi handisport de Wimbledon cette année? Ils sont en vélo. Quelle est la, le... quelle est la nouveauté, on va dire? Quelle est l'anecdote nouvelle, on va dire? Il y a un joueur en blanc. Il y a quoi? Non, il y a eu un record, on va... enfin pas un record, mais une. Un nombre de participants. Record de. Les routes sont pas blanches. De nationalité, non. Peut-être. Record de dotation. 3-7. Plus nationalité. Jamais autant de pays représentés. Non. Ouais. La France est la plus représentée. La France n'a, n'a personne. Non. Le pays les Anglais n'ont personne. Non. Il y a une Tunisienne, un Africain, une Africain, un Tunisien. Ouais. Il y a la première fois qu'il y a un Africain qui fait du handisport à Wimbledon. C'est une femme venant d'Afrique donc pour concourir pour la première fois à Wimbledon handisport. C'est une première pour le tournoi avec 4... J'arriverai pas à le prononcer. Monte Janet, une Sudaf de 32 ans. Ça va Kevin ou pas? Comment elle s'appelait le... Faut arrêter la carmélite. Kotatso Mondjane. Martin là. Voilà. Ok. Point pour Vincent et Romain. C'était une chouffe en plus. C'est encore pire. J'entends pas la rapidité. Rapidité. Quels sont les records à Wimbledon que se partagent actuellement un certain Roger Federer? Bah c'est le nombre de participations consécutives en Grand Chelem. Un certain Roger Federer et un Bjorn Borg. Ah, le nombre de titres consécutifs à Roland Garros, 5 titres. Non, Wimbledon. Wimbledon. 5 titres consécutifs. Nombre de finales. Un point, il en reste un autre. Nombre de finales. Le nombre de matchs gagnés. Pete Sampras avec. Nombre de matchs. Le nombre de matchs gagnés. Nombre de fois qu'il a gagné contre le numéro 1 mondial. 7 consécutifs. Non. Ah oui, le si, ils ont pas perdu un set du tournoi tous les deux. Point. Plusieurs fois en plus. Vainqueur du tournoi sans perdre un set. Une fois en 2017 donc pour Roger et en 76 pour Bjorn Borg. Ouais, mais lui c'est pas très important. Faut qu'on arrête de tout. Ouais, mais c'est un point. Rafa l'a fait pas le choix. Non, image de ce qu'il propose. Cependant, le roi Federer perd un record cette année, lequel? Le nombre de participations consécutives à un grand chelem, c'est Feliciano Lopez qui est là-bas. Combien? 66. Soit 65 pour Feliciano, pour Roger et 66. Point. Ça, je l'ai vu, tour de table, au premier tour. Premier, pardon, oui, c'est le nombre de records de participation consécutive au Grand Chelem détenu jusqu'alors par Roger Federer qui est à 65 et Feliciano Lopez est à 66. Tout à fait, ouais. Au premier tour, Federer l'année dernière, tour de table. Au premier tour, Gaël Monfils réalise un service record contre Richard Gasquet. 150 miles. Sur le premier. Je vends kilomètre. Alors, kilomètre sur le service le plus rapide de l'histoire du tournoi. À combien de kilomètres? 241. 241 km/h. 237. Non, mais non, mais j'ai pas internet, vous le savez. Flo, tu peux le dire que j'ai pas internet, tu le sais. Oui, mais ça vous répondre. Non, mais non. Ça vous répondre. Non, il a pas le droit, il calcule. Il a pas le droit, il calcule. Allô? 251. Moi j'allais dire 239. Hein? 239. 237, je demande une confirmation. 243. 243. À un moment donné, les gars. 235. Ouais. 248. J'ai pas continué parce que c'est vous qui avez la bonne réponse avec 241 km/h. Il le savait, Guillaume. Point c'est pour. Il calcule vite en miles en fait. Avec son visage neutre là. Il convertit très vite. Ouais, c'est l'habitude des miles aux États-Unis. Non, c'est Liverpool ça. Dernière question à 2 points. Il y a Guillaume et Paul qui peuvent gagner ainsi que Romain et Vincent qui peuvent gagner. Ouais, qui peuvent toujours gagner. C'est les autres. Il peut gagner un vol pour Marrakech. Qui suis-je? Florian. Merci. Point. Victoire. Par KO. Ah putain, on a rien pu faire. Game, c'est le match. En 1990, dans une ville qui n'a plus le même nom. Attends, est-ce qu'on peut dire des noms ou c'est éliminatoire? Ouais, on va faire éliminatoire. C'est Milos Raonic. On va faire éliminatoire. C'est Milos Raonic. Merci, voilà. Il est né à Podgorica, c'était Titograd avant, il est né en 90. Ouais. Il a spoilé là. Invaincu. Pas de paiement, Vince, tiens. Je. Ok, attends, c'est pas pour moi, c'est refusé. Pourquoi? Parce que il est né en Macédoine, je suis d'une nationalité qui n'est également plus actuelle. Mais c'est avant mes 4 ans que je pars dans un pays qui n'a pas de rapport proche pour y vivre et pour y prendre ma nationalité actuelle. J'y suis important à Wimbledon, ou plutôt Wimbledon est important pour moi puisque j'y réalise ma meilleure performance dans ma carrière, mais malheureusement pas de victoire. J'ai tout de même gagné 8 titres en simple, dont 7 ATP 250 et un seul ATP 500 à Washington. Je perds 2 finales de Master 1000 contre Novak Djokovic à Indian Wells et à Paris, et un autre qui me fait un peu plus mal, pas que ce soit contre Nadal mais en face, mais que ce soit dans mon pays, à Montréal. Je suis numéro 13 du tournoi et je compte faire mieux que la finale de 2016 de Wimbledon. Je suis Milos Raonic. une sacrée salade hein, pour un mec qui est né en Macédoine. Non, Monténégro. Dommage, ça aurait pu être beau, mais c'est. Ta géographie est un peu bac. Et qui est l'Astro Cigario hein. T'en as pas une autre là? Non, j'en ai pas d'autres, je suis désolé. J'en ai fait 19 de questions. Parce qu'ils ont gagné. C'est la dernière, c'est la dernière. Ils ont gagné sur la dernière, j'ai dit que c'était 2 points. Tu as gagné, hein. Parce que moi j'avais une question. Victoire de Romain et Vincent avec. Si vous voulez, pour vous départager. Victoire de Romain et Vincent avec 11 points. Guillaume et Paul avec 10 points. Alex et Yas avec 7 points. Et Guillaume et Tim ainsi que Alex et Keke avec 5 points chacun. Mangès, qui nous regarde. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mangès, tu nous non, tu ne diras pas que tu as vaincu. Merci beaucoup. Toute l'année. Merci beaucoup. On va continuer justement avec un autre résultat. De la Terre. Un autre résultat qui est messieurs, un autre résultat qui est le pronostic de l'année. J'ai passé un long moment pour regarder tous les résultats et regarder qui a gagné. Je vous pose une question avant. Pour vous, au niveau des nombres de participations, à combien devrait-on compter? Par rapport, on a 37 émissions, à combien devrait-on compter? Parce que là, sinon, je peux compter Justine, qui est venue avec nous, qui a fait deux participations, qui a gagné 4 points. Donc au niveau du ratio, elle est première. Moi, j'ai pensé à 10. Ouais, 15. À 20, il n'aura pas beaucoup de monde. Moi, je dirais pas 20, mais je dirais au moins une quinzaine. Ouais, 15, ouais, 15. 37, ça fait... À 15, ça élimine beaucoup de monde, je vous le dis. Il y a... Au-dessus de 15, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Que ça? Non, pas de touristes, nous on veut plus du gratin là. C'est gratin, nous le voulons. Alex, c'est donc, allez, tu nous donnes le résultat pour 15 et tu nous donnes le résultat pour 12. Ah non, je l'aime en plus, il le sait. Le mec, il croit que j'ai des ratios dans ma tête où je peux changer. Moi, j'avais pensé à. Si tu me poses la question, j'avais pensé à minimum 13. Allez, 13. Parce que 13, il y a moi. Guillaume Bialès, parce que je dis Dimitri, Romain, Tim, Paul, Yacine et Théo. Il y a Vincent, Thibaut, Justine, Sylvain, Anthony, l'autre Guillaume Laval ainsi qu'Alex qui ne serait pas du coup dedans puisqu'ils n'ont pas fait assez d'émissions. C'est des seconds couteaux ça. Ouais. Et du coup, au niveau du ratio. C'est l'équipe B comme le Danemark, ça c'est pas important. C'est pas l'équipe B du coup, ils en attendant. Au niveau du score total, évidemment, je suis premier. Faut écouter Flo s'il vous plaît. Il reste 3 minutes, si je peux pas finir, ça va pas le faire. Il reste. Donc, oui. Le score total, je suis premier, mais bon, évidemment, j'ai 33 participations, donc voilà. Je la pète. Je me la pète. Je me la pète, je peux toujours enlever des points. Donc, au niveau de. Est-ce que je fais un décompte? Je fais le dernier, donc le 7ème. Je suis désolé, Yacine, mais au niveau du ratio, tu as 0,59, tu es 7ème sur 7. Pour un buteur, c'est pas si mal. Timo Werner, c'est fou. Ah non, tu es 8ème, pardon, plus 8ème. Ah bah, c'est pire. Parce que Yassine, dans une minute, c'est la vraie cuillère de bois. Parce qu'il y a deux sixièmes qui sont égalités, c'est Tim et Théo qui ont 0,62 de ratio. Oh, ça fait meilleur. Hein. Dur. Cinquième. Toujours efficace, mon Tim. Cinquième, un certain Guillaume Bialès qui a 0,63 juste au-dessus. J'accroche l'Europe, c'est l'essentiel. Je suis modeste. Quatrième, moi-même à 0,70 points, qui est juste derrière le podium. Je suis un peu déçu. Ratio, ouais. Troisième. Paul qui nous alors rejoint très tard mais que je te régale qui avec un 0,86 de ratio est troisième. Il y croit pas, les yeux écarquillés, il y croit pas. Et à savoir que le deuxième à 0,88 enfin 882 et le premier à 0,888 oh, ça joue dans donc 0,006 d'écart. Et malheureusement il n'est pas là ce soir, c'est Romain qui est deuxième avec 0,882 et Dimitri qui est premier, Dimitri 0,888 et qui gagne ce pronostic de l'année, on lui félicite. Il mérite le poulet. Donc voilà, on partage presque la médaille d'or, mais on touché, tu sais. J'ai voulu prendre au 10ème, mais c'était au 100ème que j'ai dû aller chercher. Donc désolé Romain, mais 2ème à 0,06, ça arrive dans le sport. Il mérite pour ses envolées lyriques là. C'est la place Poulidor. Hein. Ça doit être l'amour du cyclisme, ça. Du coup, on va finir là-dessus et je félicite donc tous les chroniqueurs, je les cite tous. Donc Guillaume, les deux Guillaume, Dimitri, Romain, Tim, Paul, Yacine, Théo, Vincent, Thibaut, Justine, Sylvain, Anthony. Alex évidemment qui est avec nous ce soir qui n'a pas parlé mais qui a fait le quiz avec nous et l'autre Alex qui est venu pour sa première avec nous également. J'espère que ça va durer longtemps aussi. J'espère que j'ai oublié personne d'ailleurs. Keke évidemment son hologramme qui était là. Un petit mot je ne sais pas il essaie de parler J'essaie. Alors j'essaie juste, hein, mais. Je sais pas si l'expression s'utilise encore, ouais. Mais gros big up du coup à toute l'équipe pour avoir tenu toute l'année, pour avoir repris le flambeau de Sport & Chill. On espère que ça va continuer encore longtemps, quoi. On espère également. Et là, vous ne me voyez pas, mais là, j'ai la petite larme à la tête. Oh, tu as lancé une belle dynamique. C'est bon, merci. Et donc, on remercie évidemment les chroniqueurs. Merci Flo, merci l'animateur. Ah oui, merci messieurs. Qui a assuré l'intérim, bravo. Évidemment, c'est plus un intérim. Ouais, c'est plus Radio Campus Montpellier, les techniciens. C'est ce que j'allais dire justement. Tu mâches le travail avec la technique Arnaud, Tom ou encore Baptiste hein, qui était présent pour nous supporter toute l'année. Merci Et aussi, évidemment notre collaboration avec le Krebs qui était qu'on a fait je crois plus de 15 émissions avec eux cette année, donc ce qui est pas rien. Merci. Notamment avec Léa Marchalier et Jean-Christophe Aubin qui étaient avec nous. Donc voilà, je pense que j'ai fait tous les remerciements et nous on espère. T'oublies tout le public français quand même qui nous suit et même à travers l'Europe. Merci à tous les invités qu'on a eu. Et à Mondo Billon aussi. Tous les invités aussi, merci. Ouais. On espère vous retrouver l'année prochaine. On verra si ça sera possible. On croise les doigts pour ça. Et on va finir, nous, avec un certain son de la semaine qui vous a tous emballé cette semaine. C'est Pavard. Un certain Pavard qui a marqué un but contre l'Argentine et qui a été commenté d'une manière. Un numéro 2, encore une fois. Un numéro 2. Qui a été commenté d'une manière magnifique par Margoton et Bichente Lizarazu. On vous laisse là-dessus. Et quant à nous, on se retrouve en espérant en septembre. A plus. Allez les bleus, prochaine vacances les bleus. Les Argentins qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts. Oui, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez, second poteau, Pavard. Oh, Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match de deux. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.